Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Le 24 mars, nous avons fait un podcast sur l'alarmisme bloquant, qui montre que cette espèce de discours toujours répété un peu à l'identique et qui monte le ton de l'alarme sur la planète, qui pense agir plus fort en faisant ça, agit en fait d'une manière qui inhibe l'action et invite à des actions négatives. Et donc on en avait conclu qu'il était urgent d'en sortir. Ceci dit, la critique est facile. Et donc maintenant, il est temps de se demander qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de cet alarmisme bloquant. Et c'est donc ça qu'on va essayer de faire dans le présent podcast. On a procédé en deux temps. Le premier temps, ça a été de repartir du diagnostic de l'alarmisme bloquant en disant « Voilà les différents éléments qu'on a identifiés et qui posent problème dans cet alarmisme bloquant. Et donc, qu'est-ce qu'on va attendre d'autre de la part de l'attitude par laquelle, ou des attitudes, ou des analyses, ou du cadre de pensée par lequel on propose de remplacer l'alarmisme bloquant. Donc là-dessus, j'ai fait un petit topo de préparation sur lequel on s'est appuyé ensuite tous les deux pour préparer notre discussion. On va écouter ce topo de préparation et puis ensuite on va rentrer de plein pied dans notre discussion. Et cette discussion, elle va porter d'abord sur les critères auxquels on veut répondre pour cette position autre, ou cette autre perspective, cet autre point de vue. Et une fois qu'on aura fait ça, on va jouer avec cette esquisse de cadre et ces critères, en prenant des exemples d'actions en faveur de la planète, et en voyant si ça les soutient ou pas, pour celles qui sont bonnes, et si ça permet de les critiquer ou pas, pour celles qui sont contre-productives, ou toxique. On avait vu l'importance de lutter contre les solutions contre-productives. J'insiste sur le fait qu'on n'est pas aujourd'hui à essayer de recenser les solutions pour les problèmes de la planète. On n'est pas non plus là à inventer nous-mêmes des solutions pour la planète. Ce serait complètement contradictoire avec notre idée que ça n'est pas depuis son fauteuil ou depuis un trottoir d'une manif qu'on invente des solutions qui peuvent marcher, mais que les solutions, elles relèvent des acteurs, des opérateurs qui sont prêts à s'engager pour les mettre en œuvre. Nous, on est là pour voir quel serait le discours d'encadrement et de soutien qui serait plus approprié que l'alarmisme bloquant pour venir en appui aux initiatives utiles et pour contribuer à bloquer les initiatives négatives. Hein, donc, ce qu'il s'agit bien, c'est de remplacer l'alarmisme bloquant comme discours général sur la question de sauver la planète. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui. Et dans cette recherche d'une attitude, en fait, qui serait une attitude plutôt positive, mais qui garde ouverte et qui met au centre un regard critique sur les initiatives qui pourraient fonctionner ou non. Ce qui est important effectivement, c'est de voir qu'on cherche pas du tout à être exhaustif, ni sur le recensement des initiatives comme tu l'as dit, ni sur l'identification des critères pertinents pour les regarder de manière critique ou réfléchir à leur conditionnalité, mais que voilà, c'est vraiment un chantier de réflexion qu'on lance, qu'on amorce dans cette discussion une mise à l'épreuve de cette réflexion, et que on invite les auditeurs à réagir, à nous aider à poursuivre cette dynamique de réflexion dans cette direction-là. Voilà, parce qu'on est bien dans un chantier en marche, on se rend bien compte qu'on ne remplace pas en une seule fois un discours qui a mis des années à se sédimenter et à se cristalliser par quelque chose qui va tenir la route telle qu'elle, mais on va quand même poser des jalons qui nous semblent très utiles pour aller dans cette direction. Donc, commençons par écouter la petite reprise préparatoire des critères ou des attendus qu'on a pour ce qui doit remplacer l'alarmisme bloquant à partir de notre diagnostic de l'alarmisme bloquant. Comme convenu, pour préparer notre réflexion sur les alternatives à l'alarmisme bloquant, je vais essayer ici de reposer à plat les principaux éléments qu'on a mis au jour dans l'analyse critique de l'alarmisme bloquant du podcast précédent. Je commencerai par revenir sur un point absolument essentiel, c'est le fait qu'une partie importante des actions qui sont entreprises sur la question du climat aujourd'hui sont largement contre-productives sur le plan environnemental, social et économique, et que cet aspect ouvrir la porte aux actions négatives est un aspect crucial dans l'action qui doit suivre à partir d'aujourd'hui. Mais le deuxième volet, c'est le volet plus positif, c'est-à-dire que par sa logique un peu massive de prise en charge du problème, l'alarmisme bloquant nuit à la visibilité de beaucoup d'alternatives, d'initiatives, d'actions, de pistes possibles, etc. Et du coup, finalement, plus ou moins indirectement, bloque leur développement. Donc on va revenir sur cet aspect-là de manière un peu systématique, en prenant les différents mécanismes par lesquels le cadrage de problèmes et la manière d'agir de l'alarmisme bloquant inhibent la prise en considération de nombre d'initiatives. Alors, le premier grand thème ou grand problème, c'est le caractère massif du raisonnement. Ce qu'on avait identifié notamment avec l'idée du grand soir versus les petits pas. Tant que c'est pas les petits pas, tant que c'est les petits pas, c'est pas le grand soir. Et donc, ça n'est pas grand-chose. De la même manière, l'espèce de clivage entre est-ce qu'on fait assez pour résoudre le problème ou pas assez pour résoudre le problème, qui est, on l'avait vu, une question mal posée, en noir et blanc. Or, ces cadrages-là rendent naines ou naïves toutes sortes d'initiatives. Alors, c'est ce que montre, par exemple, la moquerie sur les petits gestes, etc., ce qui pose évidemment problème. Et puis, ça tend à confier une exclusivité d'agir à des acteurs de très grande taille, soit de droit, en disant « mais puisque le problème est plus grand que nous, il faut que ce soit les acteurs les plus puissants, l'État, les institutions interétatiques, etc., qui prennent les choses en main », soit de fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le public a l'air d'exiger qu'on prenne des mesures qui fassent des grands pas, eh bien, si on veut aller vite et pouvoir faire ça à partir de grands budgets et des moyens d'action de l'État, eh bien, forcément, en pratique, on va confier ça à des acteurs de grande taille et on va mettre hors du jeu une énorme partie de la société et des forces qu'elle pourrait mobiliser sur le changement climatique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est remplacer ces idées en noir et blanc de grands jours et de petits pas ou de ce problème résolu ou pas, par une vision plus différente qui consiste à dire que l'enjeu, c'est de dénouer toute une série de nœuds qui sont aujourd'hui mal noués entre nos manières de vivre, notre économie, le climat et les autres aspects de l'environnement. Par exemple, le fait que si on va dans un magasin en Angleterre pour acheter des pommes, on se retrouve à acheter des pommes produites en Nouvelle-Zélande ou en Argentine. Et puis, de faire en sorte de renouer des nœuds bien noués, c'est-à-dire des nœuds qui réorganisent nos relations autour du climat, de l'environnement et nos relations avec le climat et l'environnement. Donc la question n'est pas de faire un grand soir, mais de transformer la trame de la société en renouant des nœuds à toutes les échelles quand le climat ou l'environnement y ont été mal noués. Il faut aussi, c'est simple, mais encore faut-il y penser, corriger une erreur d'optique. Cette erreur d'optique, c'est que, en fait, une multitude de gestes petits et moyens peuvent très bien avoir un impact aussi important ou plus important que des gestes massifs. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le développement économique depuis toujours. Hein. Les initiatives de multiples entreprises, petites, moyennes et autres, peuvent avoir beaucoup plus d'efficacité qu'un grand plan mis en œuvre par un acteur massif, étatique ou autre. Donc là, c'est une correction très simple, mais qui, à elle seule, déjà est très utile. Enfin, le dernier point de correction qu'il importe d'apporter, c'est de baisser le ton. Et parce que le fait de crier collectivement n'est pas la meilleure condition pour observer ce qui se passe et rentrer dans le détail que va nécessiter l'action. Hein. Deuxième grand thème, là je serai bref. Il est très important et il va servir de transition dans le raisonnement. C'est cette malheureuse idée, pourquoi on ne fait rien jusqu'ici. Il est incroyable pour moi de voir à quel point cette formule par elle-même est déjà bloquante. Elle est bloquante notamment par le déni de l'effort en cours. Il suffit de regarder tout ce qui a été fait sur ces questions depuis 30 ans, les efforts continuent pour baisser les normes de consommation des voitures, des logements, et les efforts pour favoriser l'isolation des logements. Enfin, on ne va pas faire la liste, mais c'est absurde de dire qu'on ne fait rien. Donc, ce n'est pas du tout la même chose de dire « on fait, mais ça n'est pas suffisant et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas » et de dire « on ne fait rien ». On avait vu dans l'analyse qu'un des effets clés était la dévalorisation des hommes et des femmes, des équipes, des réseaux, des organisations qui agissent en faveur de l'environnement et du climat. Donc on est dans un paradoxe complet dans lequel, par ce discours, on ne fait rien, on tire une balle dans les gens qui font, alors qu'on ne voit pas très bien pourquoi ce ne serait pas à eux de les mobiliser, sauf si on pense qu'eux sont complètement discrédités et qu'il faut confier l'action pour l'environnement et le climat à des acteurs qui, jusqu'ici, n'ont pas jugé utile de s'y mettre. Donc là, il suffit de retourner entièrement le raisonnement quand on va vers les alternatives et de dire maintenant, il faut mettre au premier rang de notre attention, de nos soins, des gens qu'on veut soutenir, ces acteurs qui portent les dossiers d'environnement et climat, ce qu'on appelle dans nos analyses stratégiques les acteurs d'environnement. Là, on va déboucher sur le troisième grand thème qui peut nous servir d'appui, qui va être beaucoup plus, qui va être plus développé, et qui concerne les fameux paradigmes de l'action collective. En effet, si je commence à prêter attention aux acteurs qui aujourd'hui font pour le climat et l'environnement, eh bien je vais retrouver les acteurs qui sont impliqués dans différentes formes organisationnelles d'action collective. Alors on va les passer en revue. D'abord, on va tomber sur les acteurs et les opérateurs, les personnes en fait aussi, qui sont impliqués dans le modèle du gouvernement, donc action par les pouvoirs publics, et dans le modèle de la gouvernance. Hein, une fois qu'on arrête de dire que ça ne fait rien, on regarde ce que ces gens font. Au lieu de dire « pourquoi vous ne faites rien ?», on va essayer de comprendre les multiples aspects de ce qu'ils font, parce que leur action n'est pas monolithique, elle comporte énormément de projets différents. Et puis, pour chacun de ces projets, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui marche, est-ce qu'on peut l'amplifier ? Et puis, quels sont les projets qui coincent, pourquoi ils coincent. Et là, il faut rentrer dans le détail pour comprendre pourquoi ça coince et débloquer les projets qui peuvent être débloqués. On a bien une multitude de nœuds que les gens essayent de refaire et il faut regarder comment les uns, les autres de ces nœuds arrivent ou pas à être faits, pourquoi, comment on peut aider à refaire ces nœuds déjà dans l'action des pouvoirs publics, aussi bien dans les politiques publiques que dans les dispositifs de gouvernance. Bien sûr, en faisant ça, on va se garder un droit d'inventaire critique sur les actions contre-productives, puisqu'il n'y a pas de doute qu'une partie des actions déjà engagées sont contre-productives et qu'il ne s'agit pas non plus d'encourager les acteurs dans toutes leurs actions, qu'elles soient contre-productives ou pas. Ensuite, si on regarde ce que font les acteurs, on va tomber sur deux autres modèles dont on a vu qu'ils étaient complètement mis de côté ou négligés par l'alarmisme bloquant. Le premier, c'est le modèle de la coordination, dans lequel ce sont les acteurs eux-mêmes, les entreprises, les collectivités locales, des groupes de gens, des individus, qui prennent en charge le problème. Or, on sait, par exemple, que depuis la conférence de Stockholm, notamment, où les gens avaient eu l'impression que la coordination étatique touchait à ses limites, il y a énormément d'initiatives à ces échelles-là. Donc là, il y a un pan entier de ce qu'il faut prendre en considération, depuis les initiatives locales jusqu'aux multinationales, qui est absolument essentiel. Et puis, autre modèle de l'action collective, on en avait parlé dans l'analyse, c'est le drop-out and seed. Donc là, il s'agit d'initiatives très micro qui échappent au système, ou du moins qui ont pour but d'échapper au système. Par exemple, des initiatives de zadistes ou de gens qui vont s'installer hors de vue des réseaux organisés. Alors ces actions-là, elles sont peu visibles par nature. Il est évident qu'elles jouent un rôle important et qu'elle comporte des germes d'innovation et de changement, encore un pan très important qui est plus ou moins négligé par l'alarmisme bloquant et qui au contraire est à examiner. C'est d'ailleurs intéressant de voir à quel point c'est différent entre les initiatives de la coordination, où les acteurs restent dans le système de relations visibles et instituer et développent leurs initiatives dans ce cadre-là, et le drop-out and seed, où ils essayent d'échapper et qui sèment d'autres types de graines. Donc ces raisonnements, ils sont là aussi pour montrer que la diversité des alternatives et pas se focaliser seulement sur certaines de ces alternatives. Et puis toujours, en continuant à observer les gens qui font, on va tomber sur le paradigme de l'acteur minoritaire de changement. Donc là, vont être au centre de l'attention les acteurs qui sont déjà complètement focalisés, parce que c'est leur vocation principale, sur la question de l'environnement. Donc les réseaux, les ONG, certaines entreprises qui sont fidélisées centralement sur l'environnement. Je ne parle pas d'entreprises qui font de l'environnement, mais dont ce serait la mission principale. Et là encore, on va poser les mêmes questions sur ce que les gens font. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos différents types d'actions? Qu'est-ce qui marche? Comment l'amplifier? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça coince? Ce qui est très important de voir, c'est que la bêtise de l'approche qui consiste à dire on ne fait rien, elle laisse de côté les cas innombrables dans lesquels on fait, mais ça ne suffit pas. Et dans lesquels il s'agit effectivement de voir comment on fait pour aider les gens à passer le cap qui va leur permettre de gagner tout simplement sur leur action. Donc là, il faut vraiment regarder de quoi ils ont besoin pour avancer. Et puis, s'agissant de ces acteurs environnement, il va falloir peut-être se forcer un peu, mais il va falloir conserver aussi le même droit d'inventaire critique que sur les initiatives des fonctionnaires ou des grandes entreprises. Parce qu'il n'y a aucune raison d'imaginer qu'il n'y ait pas aussi, soit de l'opportunisme, soit de l'obnubilation sur la question climatique dans certaines ONG, qui aboutissent à soutenir des actions qui sont contre-productives globalement d'un point de vue écologique et éventuellement social et économique. Alors ça pique un peu de se dire que dans le cadre du camp environnement, si on peut dire, il faut aussi garder cette vigilance critique. Ça pique, mais ça n'en reste pas moins tout à fait justifié. Alors après ces trois thèmes, qui étaient respectivement sortir du raisonnement massif pour voir qu'il s'agit de renouer des trames, sortir du « on ne fait rien » qui est paralysant et réexaminer les modèles sous-jacents de l'action. Maintenant, on va se poser la question, on a dégagé toutes sortes de pistes sur des types assez différents d'actions ou de cadres d'action qui sont en route à observer, à considérer et puis à développer. La question qu'on va se poser maintenant, c'est celle de la suivante. Comment est-ce qu'on fait le tri entre des actions constructives et les actions contre-productives, puisqu'on voit que cette question, elle vient à tous les étages et que ce qu'on veut, c'est fabriquer de l'action constructive et qu'est-ce qui est constructif qu'il s'agit maintenant de cerner plus précisément et de définir. Pour le faire, ce qu'on va faire, c'est tourner le dos énergiquement à ce qu'on avait identifié comme non constructif dans les tendances perverses de l'alarmisme bloquant. Le point clé, c'était au fond la prime à l'irréflexion qui résulte du message « faites quelque chose vite, faites quelque chose de massif et arrêtez de vous laisser freiner par tout ce qu'il y a autour ». C'est aussi la prime à l'irréflexion du message qui focalise en tunnel sur la question du climat en imaginant que c'est le socle et l'alpha et l'oméga de tout le reste de l'existence humaine dans le futur. C'est le côté irréflexion de problèmes résolus ou non qui nous donne une mesure en 0 ou 1, donc inutilisable, du degré d'utilité de ce qu'on fait. Donc il faut s'écarter de ça pour modifier la trame de notre rapport au climat, de nos rapports entre nous au sujet du climat et de l'environnement. Ça ne sert à rien de tirer fort sur les fils. Il faut qu'on soit attentif et soigneux, discriminant plus que récriminant. Alors vers quels critères on va se tourner? J'envoie trois grandes séries. En fait, pour moi, il y a trois grandes séries de critères. Le premier critère, il porte sur la question de savoir si on aggrave les tensions entre les différentes préoccupations environnementales et puis les préoccupations sociales et économiques, ou si au contraire, on renoue des nœuds qui allègent ces tensions et créent au contraire de la synergie. Pour résumer, c'est l'optique du sacrifice qui serait induite par l'alarmisme, du genre « c'est tellement urgent, c'est tellement important » qu'il faut arrêter de se poser trop de questions et faire des sacrifices. C'est pas grave si c'est cher, c'est pas grave si ça a des impacts. Et passer à une logique de synergie qui est de dire l'important, c'est de renouer des trames nouvelles dans lesquelles, au contraire, c'est crucial de diminuer les tensions entre les différentes dimensions de l'environnement, par exemple biodiversité et climat, entre environnement et social, et de ne pas aggraver les éléments de la situation économique. L'exemple que je prends toujours, c'est qu'il y a pas mal de projets d'énergie renouvelable qui sont extrêmement destructeurs pour la biodiversité, qui par ailleurs ont des gros impacts sociaux, à la fois parce qu'ils touchent le cadre de vie des gens et leur qualité de vie, et puis parce qu'ils augmentent le coût de la vie, par exemple en augmentant le coût de l'électricité, parce qu'ils mettent en place des systèmes qui ne sont pas forcément économiquement viables, alors qu'à l'inverse, d'autres approches, comme l'isolation des logements, sont synergiques, ça ne détruit pas de biodiversité, c'est bon au point de vue social et qualité de vie des gens, c'est bon au point de vue économique, parce que ça diminue structurellement le besoin de financement pour l'énergie, y compris au niveau des ménages. Donc cette synergie, elle est affichée en tant que telle, par exemple, dans ce qu'on appelle les nature-based solutions sur le climat, c'est-à-dire des solutions qui s'appuient sur la biodive au lieu de solutions qui détruisent de la biodive pour traiter les questions de changement climatique, mais de manière beaucoup plus importante, à mon avis, en quantité, elles sont présentes de manière plus ou moins discrète et implicite, et c'est là qu'il importe de se donner des critères pour faire le tri entre les approches constructives et les autres. La deuxième série de critères, elle répond à une autre question, qui est qu'est-ce que ça produit en termes de relations entre les acteurs, en termes de dépendance et d'interdépendance entre les acteurs. Là, on pourrait faire référence à Illich, hein, et à sa critique de l'hétéronomie. Et si on allait à fond du côté de cette analyse-là, on dirait au fond, est-ce qu'on nous propose des solutions de plus en plus hétéronomes, hein, par exemple des systèmes de production électrique éolienne industrielle qui ont besoin d'être prises dans des réseaux de lignes à haute tension sur des milliers de kilomètres, qui ont besoin de rentrer dans des systèmes de régulation de la production d'électricité extrêmement complexes, à la fois sur le plan technique, organisationnel, financier, et qui par ailleurs créent des dépendances fortes sur les matières premières rares et toutes sortes d'autres choses. Donc là, on est dans de l'hétéronomie. Et puis, on est aussi sur des structures qui sont fragiles parce qu'elles dépendent de montages financiers, de capacités de financement, qu'elles sont très peu résilientes en cas de crise qui diminuerait de manière importante nos capacités techniques et financières à agir à l'échelle nationale. Et puis à l'autre bout, il y a des solutions beaucoup moins hétéronomes. Par exemple, si on encourage des gens dans le milieu rural à se chauffer avec des poêles à bois bien performants, en cou faisant couper du bois par des artisans locaux dans les forêts locales, là on échappe à tout ou partie de ces obstacles. Donc ce deuxième critère, il nous incite à analyser la qualité des relations et des nouvelles organisations qui sont mises en place. Ce qui est important, c'est ici encore d'être nuancé sur les questions d'échelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, c'est pas parce qu'on est à grande échelle qu'on est forcément dans une hétéronomie toxique ou qui pose problème. Par ailleurs, si on prend Illich, il contraste de manière très radicale, d'une part, l'hétéronomie qui serait les grands systèmes, et puis d'autre part, la convivialité qui serait les systèmes d'hyperproximité. À la limite, la convivialité, ce serait le modèle drop-out and seed. On va résoudre nos problèmes nous-mêmes en dehors du système. En réalité, il faut considérer un continuum parce qu'il y a beaucoup de mesures, d'initiatives, etc., qui ont lieu à taille moyenne et qui sont très intéressantes également et peuvent réorganiser. Donc c'est cette réorganisation et les projets techniques qu'elle soutient, cette réorganisation synergique, elle concerne toutes les échelles de l'action, depuis les plus petites. On se met à trois pour faire de la permaculture dans un coin rural un peu isolé, jusqu'à de grandes entreprises qui cherchent à nouer des relations synergiques entre différents aspects environnementaux, sociaux et économiques, en prenant garde de ne pas augmenter la fragilité au financement, à l'organisation ou à des dépendances extérieures de leur système. Donc pour résumer les deux premiers critères, il s'agit de nouer les préoccupations ensemble de manière synergique par des nœuds qui réorganisent aux différentes échelles pour produire une organisation de meilleure qualité. Mais il faut pas laisser, on pourrait penser avoir fait le tour, mais il faut aussi prendre en compte un troisième critère que j'appellerais external check et qui tient à la chose suivante. Tout le monde se rend compte que la question du climat et de l'environnement global, hein, tous les aspects environnementaux, biodiversité compris, se joue en grande partie à l'échelle mondiale et que l'Occident n'est qu'une partie assez limitée du problème si on se projette dans le futur, certes. Une partie massive si on se penche sur l'historique, mais si on se projette dans le futur, une partie limitée. Si on prend en considération le développement à venir de l'Afrique et d'autres parties du monde où des milliards de gens veulent accéder au logement, aux infrastructures, aux voitures, etc., etc. Or, malgré ça, on raisonne énormément dans nos approches du climat comme s'il y avait une priorité absolue à être impeccable chez nous, à aller vers du zéro émission, etc., etc. Un peu comme si nous, il fallait qu'on fasse parfaitement, dans l'attente que les autres fassent parfaitement ou beaucoup mieux, et qu'on sorte tout ensemble du problème. Mais ce raisonnement, il ignore les règles de base de l'analyse stratégique. Quand je prends la décision stratégique d'agir, je dois aussi envisager ce qui va se passer si l'autre n'agit pas comme je l'espère. Et donc, il est essentiel que les mesures que nous prenons sur les questions d'environnement et de climat soient pas absurdes dans le cas où l'Afrique décide finalement de ne pas tenir compte des problèmes de climat. Quand on regarde les sondages actuels en Afrique sur la place qu'occupe la préoccupation climatique dans les préoccupations des gens, elle est absolument négligeable comparée à la priorité donnée à un développement qui ne peut passer que par des formes de consommation d'énergie fossile et de ressources plus ou moins rares. Donc il est absolument essentiel qu'on replace nos raisonnements dans ce cadre-là et qu'au moins ils ne soient pas absurdes dans ce cas de figure-là et qu'ils prennent en compte les hypothèses sur ce qui va se passer dans le reste du monde. Être un bon élève complètement isolé dans un monde qui se fiche des bons élèves où ça n'a qu'un impact absolument homéopathique, ça n'a pas de sens. Imaginez que dans 20 ans, on ait conduit à marche forcée une transition énergétique, qu'on ait doublé le prix de l'énergie, qu'on ait endommagé beaucoup la biodiversité, le paysage et le cadre de vie des gens pour faire ça, que ça ait finalement un impact négligeable sur le climat, on se retrouverait avec d'énormes regrets qui ne tiendraient qu'à nous parce qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Donc il faut que, c'est le troisième critère, qu'en renouant nos nœuds, ils puissent aussi avoir un sens, y compris dans un monde qui dériverait plus que nous ne l'espérons. Là, je rejoins bien sûr aussi les gens qui sont dans la collapsologie ou autre. On ne peut pas se contenter de raisonner en disant « serrons les fesses, faisons comme si tout le monde allait bien faire et nous essayons d'être les bons élèves et on verra ce qui sort du chapeau ». Pour terminer, on arrive au dernier volet, la lutte contre les mesures contre-productives. Alors c'est essentiel, mais je vais être bref parce qu'en fait on a déjà passé pas mal de temps là-dessus. Donc je reviens sur les bases, hein, c'est l'idée que la stridence de l'alarme crée des occasions pour des opportunistes de tout poil. Ce processus, il est bien engagé. Hein. Depuis l'entrée en force des agrocarburants dans les années 2000, malgré les expertises qui montraient que ce n'était pas très intéressant pour le climat et que ça avait plein d'inconvénients écologiques par ailleurs, et depuis, il s'en est produit énormément. Ça vaut le coup d'ailleurs dans la suite de la discussion qu'on revienne sur des exemples frappants. Évidemment, à grande échelle, ça donne les systèmes de transition qui sont planifiés à coup de quotas, par exemple de quotas d'énergie renouvelable, et de grands budgets de dépenses publiques. Donc ça, c'est sûr que ça crée une espèce d'appel d'air qui va faire rentrer toutes sortes d'opportunistes. Et notamment, vu l'échelle à laquelle on raisonne, des acteurs qui sont extrêmement puissants par leur capacité économique d'agir et par leur pouvoir d'influence. Bon, le lobby des agrocarburants ou les industriels qui fabriquent du diesel avec de l'huile de palme, pour prendre que ces exemples. Mais il ne faut pas négliger le fait que ces opportunismes ils peuvent tout à fait exister aussi à petite ou à moyenne échelle. Et donc, il n'y a aucune raison de s'obnubiler uniquement sur la grande échelle. Alors, là, on débouche, c'est l'élément nouveau, sur le fait qu'on se retrouve devant une difficulté, c'est que tout le monde embarque pour se mobiliser, pour changer, dans le cadre de référence de la transition, et notamment de la transition énergétique, dans le cadre de l'impératif climatique et du changement d'échelle. Mais le problème, c'est que ce cadre de référence-là, finalement, il rend solidaire les bons et les mauvais projets, c'est-à-dire tous les projets qui remplissent le quota, bons ou mauvais, tous les projets qui permettent de monter en échelle, bons ou mauvais. Et du coup, dans ce cadre-là, les environnementalistes qui défendent la biodiversité se retrouvent une fois de plus sur une position défensive, confrontés à des projets climatiques dévastateurs pour la biodiversité et à défendre la biodiversité contre certaines initiatives en faveur du climat, exactement comme ils sont obligés de défendre la biodiversité contre la déforestation par l'industrie forestière ou l'intensification agricole et les pesticides en Europe. Et donc, on se retrouve dans un mouvement soi-disant pour l'écologie, dans lequel les environnementalistes se retrouvent en position défensive, à être obligés, dossier par dossier, d'engager une bataille pour essayer de sauver quelques éléments de biodiversité ou des éléments sociaux, par exemple, des peuples autochtones dans des endroits où on va faire des plantations pour le climat. Et bien sûr, une partie très importante de ces dossiers sont perdus et on se retrouve là au cœur du caractère contre-productif d'une grande partie de l'effort de transition. Alors si on revient, comme on l'avait fait, sur la cause profonde dans des mauvaises manières de poser le problème, elle vient ici du fait qu'on a substitué comme critère guide ou comme objectif, on a substitué à l'efficacité environnementale comme référence, est-ce que c'est bon pour les écosystèmes et la planète, un objectif de résultat, par exemple des quotas d'ENR. Et on fait comme si une transition qui aboutirait à l'exclusivité ou une grande majorité d'énergie par les ENR équivalait à un monde environnementalement meilleur qu'aujourd'hui. Or, il n'en est absolument rien. Les énergies renouvelables ne sont pas en elles-mêmes forcément favorables à l'environnement. Il y a un côté, une illusion d'optique, là, que je vais rapidement démonter. En fait, sur le papier, dans le concept pur, on dit énergie renouvelable, elle ne consomme rien, elle n'utilise que du vent, de l'eau, la force des marées, et elle produit de l'énergie avec ça. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. Et effectivement, si on pouvait produire des énergies renouvelables sans rien consommer ni sans rien endommager, le problème serait résolu. Mais les énergies renouvelables en pratique, ce sont des installations techniques pour transformer l'énergie du vent, de l'eau, etc. Or, ces installations techniques, pour les construire, il faut des ressources. Pour les construire, on utilise de l'énergie et en grande partie de l'énergie carbonée. Ces installations techniques, elles ont un impact sur la biodiversité. Par exemple, les barrages hydrauliques ont des conséquences absolument massives en termes de dégradation des écosystèmes aquatiques. Et donc, au total, rien ne garantit dans la mise en pratique qu'un projet d'énergie renouvelable n'ait pas un bilan négatif du point de vue environnemental. Si le panneau solaire que j'utilise a nécessité pour sa fabrication, son transport, sa pose, plus d'émissions de carbone que ce qu'il va économiser pendant toute sa mise en service opérationnelle, j'aurai un effet climat nul et par ailleurs j'aurai eu des impacts négatifs par ailleurs. Donc le point clé, c'est qu'il faut revenir sur le critère, quelle est l'efficacité environnementale et est-ce qu'on est dans un cadre où est-ce qu'elle existe déjà, et puis si elle existe sur un thème environnemental, par exemple le climat, est-ce que par ailleurs elle ne se paye pas par des dégâts environnementaux ou sociaux ou économiques qui finalement annulent ce bénéfice. Donc il y a un vrai problème, il faut repasser d'un raisonnement en termes de moyens à un raisonnement en termes de résultats. Ce recadrage, il est clair que c'est l'axe principal ou le pivot de toutes nos recherches en analyse stratégique sur l'environnement. Le critère doit toujours être le critère d'efficacité pour l'environnement et les écosystèmes. Quand on dérive sur des objectifs de résultats, il importe absolument de rapporter et de réévaluer par rapport à ces objectifs-là. Donc ça aussi, ça doit nous servir de guide dans la réflexion sur les alternatives. Donc je conclurai là-dessus cette réflexion sur la manière d'envisager les alternatives. Il faut maintenant amplifier la lutte contre les mauvaises, entre guillemets, solutions. Hein. On a vu que ce n'était pas des solutions, c'est des actions, mais il faut absolument prendre au sérieux cette histoire des mauvaises solutions. Et il faut déplacer la priorité vers une synergie d'actions de toutes sortes qui vont vers une amélioration de la trame de nos relations avec les différents aspects de l'environnement et entre nous au sujet de l'environnement. Alors, je me rends compte que c'est un vaste programme, surtout que jusqu'ici, on s'y est pas vraiment attaqué. La critique des mesures contre-productives, elle existe, mais elle n'est pas organisée, elle n'est pas guidée et on ne lui donne pas la place qu'elle devrait avoir. Donc, il y a là un point très important de ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que c'est un nouveau chantier. Celui-là, il faut qu'on l'explore, qu'on le commence à le structurer. On n'en est qu'au début et je pense que une des retombées pour aller vers du positif à partir de la critique de l'alarmisme bloquant, c'est cette idée que maintenant, eh bien, il y a tout un pan entier de l'action en faveur du climat et de l'environnement qui doit consister à bloquer ou à critiquer et à empêcher le développement des actions perverses qui seraient justifiées par l'urgence climatique. Alors évidemment, une fois que donc je conclue là-dessus, et maintenant il faut qu'on oriente notre discussion vers la discussion sur les alternatives elles-mêmes. Que font les gens? Qu'est-ce qu'on observe? Quelle est toute cette richesse d'initiatives? Notre rôle, c'est juste de regarder, de discuter, de proposer des cadres d'inspiration ou de réflexion ou de réflexivité sur ce qui se passe. Et au total, ce qu'il s'agit de faire, c'est plutôt de poser petit à petit une manière de poser, de discuter ces problèmes d'alternatives qui soient à l'opposé de l'alarmisme, qui soient à l'opposé des petits pas et du grand soir. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes sortes, et qui soit également, pardon, à l'opposé du genre d'action dans lesquelles on veut tricoter de nouvelles relations entre nous et avec l'environnement, avec les gants de boxe du cadrage caricatural de l'alarmisme bloquant. Ok, après cette réflexion préliminaire, bah, entrons dans le vif de notre discussion, Clément, si tu veux bien. Oui, merci beaucoup pour ce topo. Alors, tu proposes trois grands critères de cadrage ou trois grandes séries de critères qui me semblent tout à fait intéressants pour savoir comment aborder les initiatives qui sont prises par certains opérateurs pour la planète et pour savoir si effectivement ça vaut le coup ou non de s'engager ou d'aider les opérateurs à s'engager pleinement dans ces initiatives. Moi, j'aurais voulu suggérer de compléter ou de prolonger ta série de critères par au moins deux, voire trois critères. Le premier, c'est un critère qui vient prolonger ce que tu proposes sur les relations entre acteurs. Donc la question que tu posais, c'est ou que tu proposais de se poser face à une initiative, c'est qu'est-ce que ça produit en termes de transformation des relations entre acteurs par rapport, est-ce que ça renforce l'hétéronomie, est-ce que ça renforce plutôt l'autonomie, sachant que c'est pas forcément connecté à des questions d'échelle. Alors sur cette question des relations entre acteurs, une des questions aussi qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que les initiatives qu'il s'agit d'analyser permettent effectivement de recréer du collectif, de transformer les relations sociales aussi entre acteurs et de permettre aux acteurs de redonner du sens à leur vie, à leur mode de vie, de redonner de la valeur à leurs liens sociaux, etc., etc. Donc ça rejoint très fortement ce que tu proposes, sauf que ça enrichit un petit peu cette idée-là en disant que cette idée que ces initiatives puissent recomposer, retisser des collectifs viables aussi du point de vue des valeurs partagées, me semble un point important. Oui, je pense qu'on peut effectivement fusionner ces deux critères en les élargissant, en ce sens que moi j'avais mis plutôt l'accent sur la relation organisationnelle entre les acteurs. Pour donner un exemple, là où aujourd'hui une chaîne de supermarchés anglaise achète des pommes bio en Nouvelle-Zélande dans le cadre de relations commerciales avec les Néo-Zélandais, eh bien, elle mettrait en place des relations organisées et commerciales avec des producteurs locaux. Et ce que tu rajoutes, c'est une dimension beaucoup plus interpersonnelle, par exemple, dans les relations sociales fines, etc. Et du coup, on peut avoir une vision beaucoup plus générale qui dit que la réorganisation des relations, elle va depuis des éléments extrêmement interpersonnels jusqu'à des éléments de structuration organisationnelle, commerciaux, voire peut-être même juridiques, et qu'il n'y a pas forcément de rupture de continuité. Le critère me semble particulièrement riche parce que c'est des thèmes qui émergent très fort dans le débat sur les alternatives pour la planète, hein, autour de depuis longtemps d'ailleurs, déjà avec la convivialité de Ivan Illich, mais aujourd'hui encore, on est beaucoup dans ces questions de convivialité, de changer les rapports entre les personnes, et c'est intéressant de garder à l'esprit le continuum, de la même manière de garder à l'esprit qu'on ne peut pas changer les relations organisationnelles si on n'est pas prêt à assumer que derrière, ça va tisser de nouvelles relations sociales entre les gens. Donc il me semble qu'effectivement, cette approche-là enrichit bien la démarche et contient un critère solide là, de réagencement des relations sociales et organisationnelles autour de nouvelles manières de renouer avec la planète. Et donc, effectivement, de recréer des nouvelles relations interpersonnelles et donc, quelque part, d'amorcer aussi une transformation culturelle, en fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, le deuxième critère qui, celui-là, pourrait être ajouté à ta liste de critères, c'est celui de la capacité d'institutionnalisation ou de stabilisation de logique organisationnelle que pourraient proposer ces différentes initiatives. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que l'initiative dans laquelle un ou plusieurs opérateurs sont engagés pour la planète permettent d'institutionnaliser sur le long terme, de stabiliser des nouveaux modes de vie ou des nouveaux modes d'organisation qui sont favorables à l'environnement. Et donc, comment, dit autrement, c'est comment est-ce que on fait pour dépasser la logique des projets pilotes qui se succèdent les uns après les autres, et donc petit à petit sortir d'une logique plus exploratoire pour aller vers des logiques plus institutionnalisées qui réorganisent le monde et nos modes de vie sur un temps long, quoi. Oui, alors effectivement, ce critère me paraît excellent. Moi, je suis beaucoup plus sensible. Pour moi, l'aspect institutionnalisation n'est qu'une petite partie de l'aspect durabilité. Parce que dans un nouvel agencement, hein, puisqu'il s'agit de trouver des nouveaux couplages, des nouveaux agencements, des nouvelles manières de faire, le côté « est-ce qu'on a réussi à l'institutionnaliser ?» c'est un angle de vue particulier sur la durabilité. Hein, mais la durabilité pratique, la durabilité technique, la durabilité dans les esprits culturels, en fait, tous ces éléments-là. Alors je sais bien que les gens qui sont dans une perspective institutionnaliste, pour eux tout ça c'est l'institution, mais pour eux tout est l'institution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce critère de durabilité est très important, parce que s'il s'agit de renouer pour transformer nos relations avec la planète, il faut que les nœuds tiennent. Hein, donc l'institutionnalisation en fait partie, mais cette durabilité me paraît effectivement un critère essentiel. Et donc peut-être qu'on peut parler plutôt de stabilisation. Je préfère la durabilité, parce que durabilité, c'est pas forcément dans une stabilité au sens de ça change pas, ou c'est. Je trouve que la durabilité, la robustesse, la résilience, on pourrait utiliser plein de mots, mais gardons durabilité qui est plus générique. Je trouve que ça fonctionne très bien, ton truc. Et le troisième critère auquel j'avais pensé, c'est celui de la capacité des initiatives proposées à avoir un effet de levier qui permet de transformer à plus grande échelle en fait les modes de vie et les modes de production et les modes d'organisation existants qui sont aujourd'hui impactants sur l'environnement. Alors pour faire cet effet de levier, il peut prendre deux grandes formes. Il peut prendre la forme d'une, il peut être sous forme de diffusion ou de multiplication, c'est-à-dire qu'une initiative peut se diffuser, se multiplier, être reprise par d'autres à d'autres endroits et créer des changements de grande ampleur du fait de cet effet multiplicateur. Ou alors, l'effet de levier peut aussi se faire via un effet de, comment dire, de pénétration, c'est-à-dire qu'une initiative peut avoir pour particularité d'être capable de pénétrer au cœur du système. Ou de ce qui, ou des nœuds du système, de ce qui fait par exemple le fonctionnement de nos modes de production, de l'appui qu'on a sur les énergies fossiles, etc. Et donc, en pénétrant profondément dans le système, de créer des changements, de dénouer des nœuds et d'en renouer d'autres à cette profondeur-là, et donc d'avoir là aussi des effets d'échelle importants de ce fait. Bon, ça, ce critère aussi me paraît essentiel parce qu'effectivement, il conditionne le vrai potentiel des initiatives à générer du changement. Il y a un autre aspect que je trouve très bon, c'est qu'en fait, dans le mouvement pour sauver la planète pris de manière générale, on a bien des initiatives des deux types, hein. Des gens qui partent avec des petites initiatives donc ils espèrent pouvoir multiplier. Et puis des gens qui essayent de taper au cœur du système pour obtenir d'un coup des changements massifs. Le point à noter, c'est que le discours de l'alarmisme bloquant, lui, il n'évoque que l'effet de levier par le cœur du système. Or, je pense que ça pose un énorme problème, parce que le cœur du système et la multiplication des petites initiatives ne sont pas indépendants. Dit autrement, si je prends l'État, qui est la cible principale du discours de l'alarmisme bloquant, l'État ne peut pas ne pas réagir à la multiplication d'initiatives. C'est-à-dire si beaucoup de gens se mettent à agir ou à souhaiter d'une certaine manière, l'État a beaucoup plus de chances de réussir. À l'inverse, s'il y a très peu de gens qui changent leur manière de faire, ça va être très difficile pour l'État d'imposer des changements de manière de faire. Et donc, ce que j'aime bien dans ce critère, c'est qu'effectivement, il donne un vrai critère sur le degré de levier, donc le potentiel de changement, mais de manière équilibrée entre le levier par appui central et puis le levier par multiplication. Et ça soulève aussi une autre pierre qui posait problème dans pas mal de discours, c'est-à-dire l'idée que ce qui est visible, c'est des actions monolithiques, telles la planification étatique ou autre, alors que bien souvent, la multiplication de petites initiatives fournit une vague beaucoup plus puissante que les initiatives centralisées. Je prends juste un exemple, le développement des réseaux sociaux, ça n'est pas une initiative centralisée, c'est le résultat du fait que des gens ont par centaines de millions adopté des modes de faire, etc., qui leur avaient juste été proposés, qui n'ont jamais été cadrés ou imposés par qui que ce soit, et que ça a produit un changement massif dans les relations sociales, même dans la manière dont aujourd'hui se conduit le débat politique. Donc, le rééquilibrage entre le potentiel de la multitude, si on peut dire, et le potentiel de la centralité est inscrit dans le critère, et le critère lui-même du levier est évidemment très intéressant. Donc, du coup, pour récapituler, si tu es d'accord avec ça, on se retrouve avec cinq critères. Le premier, c'est est-ce que c'est efficace écologiquement? Et est-ce que ça repose sur une synergie entre les domaines environnementaux? Par exemple, est-ce qu'une solution climat est vraiment efficace ou est-ce qu'elle est juste emblématique? Et deuxièmement, est-ce qu'elle détruit de la biodiversité ou d'autres choses? Deuxième critère, quelle relation ça tisse entre les acteurs, les personnes, depuis la dimension interpersonnelle et culturelle jusqu'aux dimensions organisationnelles? Troisième critère, quelle est la durabilité des nouveaux agencements qui sont proposés? Quatrième critère, quel est le degré de levier qui peut leur permettre de monter en échelle au niveau du potentiel de changement? Et puis, dernier critère, la vérification contextuelle. Est-ce que ces actions, replacées dans le contexte plus large, où il y a d'autres pays qui ne font pas forcément la même chose, où il y a d'autres éléments sociaux, économiques ou autres, qui peuvent avoir des effets en retour éventuellement très graves, il faut quand même vérifier ce que les Anglais appellent « ecological check », mais ce n'est pas ecological au sens de la nature, hein, c'est ecological au sens de comment ça s'inscrit dans le système plus large. Donc là, on tient une petite batterie de critères qui nous dit, encore une fois, c'est des critères pour quoi faire. Ce qu'on cherche, c'est un discours de cadrage général pour remplacer l'alarmisme bloquant, et un discours de cadrage général, il est là pour donner des critères. Donc l'alarmisme bloquant, il a ses critères bloquants, les grands pas, les petits pas, soit tu ne fais rien, soit ce que tu fais, ça marche complètement et on est content, etc. etc. Donc ces critères-là, on a vu qu'ils étaient problématiques, et maintenant on cherche des critères autres. Et là, on tient en tout cas à titre provisoire des critères intéressants. Alors maintenant, ce qu'on s'est proposé comme règle du jeu pour avancer, c'est de faire jouer ces critères sur des exemples concrets d'initiatives en faveur de la planète, et de voir ce que ça donne. Alors on va essayer quand même de ne pas être trop systématique et de ne pas faire une espèce de matrice avec un exemple, cinq critères, un exemple, cinq critères, et de remplir 20 cases dans l'affaire. On va évoquer des exemples concrets très diversifiés d'initiatives pour la planète. On en a 5 pour essayer de ne pas être trop long. Et puis on va faire jouer notre approche pour voir est-ce qu'il y a un discours de cadrage, qu'est-ce que ça nous dirige vers des manières de poser le problème qui sont effectivement fructueuses. Sachant qu'effectivement, des initiatives, il y en a de différents types, enfin il y en a beaucoup, donc il s'agit de nouveau pas de faire quelque chose d'exhaustif, il y a des initiatives qui sont plutôt d'ordre technique, à petite ou à grande échelle, des initiatives qui sont plutôt de nature gestionnaire ou de transformation organisationnelle, ou de modèle d'affaires, ou de comptabilité, ou de modèle d'entreprise. Comme l'économie circulaire, ce genre de choses. Il y a des initiatives qui vont plutôt cibler les institutions, cette fois-ci au sens plutôt restreint du terme institution, c'est-à-dire comment changer les règles démocratiques, les règles de débat, etc., etc. Des initiatives plutôt financières, par exemple toute la campagne de 350.org sur le désinvestissement qui a donné des résultats intéressants. Et puis des initiatives qui vont être plutôt sur les modes de vie ou les modes de consommation, donc on va en reparler. Alors les cinq que nous on a retenus. Donc le premier exemple qu'on va prendre pour discuter ou pour mettre à l'épreuve ces différents critères qu'on a listés, je propose que ce soit l'exemple de l'usine à biomasse. Qui rentre donc dans les quotas d'énergie renouvelable ou dans les formes de production dites renouvelables d'énergie, alors qui consiste en fait à brûler du bois pour produire de l'électricité, hein, tout simplement, et du coup qui pourrait remplacer des centrales à charbon, etc., qui sont beaucoup plus émettrices en gaz à effet de serre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu étudier un cas comme ça certains de nos étudiants, et puis dans une étude qui a été un peu exploratoire, qui a été supervisée aussi par Maya Leroy et Alexandre Gonin et moi-même, et sur la commune d'Irakoubo, en Guyane française, sur laquelle est prévue l'installation d'une de ces usines à biomasse par l'entreprise Voltalia, et puis soutenue par des subventions publiques de l'État pour remplir les quotas à l'échelle de la Guyane, qui sont, je crois, de 40 mégawatts dans la programmation régionale de la maîtrise de l'énergie. Cette centrale, il est prévu qu'elle s'installe sur une zone côtière en Guyane, sur laquelle, à proximité de forêts qui sont encore des forêts anciennes, sachant que la Guyane contient 96% encore de couverts forestiers, avec des taux de déforestation les plus bas du bassin amazonien. L'enjeu et l'idée pour la construction et le fonctionnement de cette usine à biomasse, c'est d'aller défricher de la forêt pour la faire tourner et produire de l'électricité. Et en même temps qu'on la défriche, qu'on va défricher, c'est de produire de la surface agricole utile supplémentaire pour produire de l'emploi, pour répondre à l'augmentation démographique de la Guyane, etc., etc. Donc sur le papier, il pourrait sembler que c'est une solution qui est synergique à la fois avec le fait de faire du développement économique, de produire de l'emploi, de répondre aux problèmes de la vie trop chère en Guyane par l'importation de produits externes agricoles, et en même temps de produire de l'électricité propre en brûlant du bois plutôt que du charbon. Évidemment, tout ça sur subvention publique, que ce soit pour la construction de la centrale ou que ce soit pour l'aide au défrichement de ces nouvelles parcelles agricoles. Alors, ça pose en réalité tout un tas de problèmes, qu'on a pu commencer à explorer par notre petite étude et qui mériterait d'être évidemment approfondie, mais qui nous donne quelques éléments. Le premier vrai problème, c'est évidemment l'impact sur la biodiversité. Défricher, ça voudrait dire couper directement des forêts de très bonne qualité et donc détruire, avoir une perte nette. Et diminuer naturel ancien qui sont extrêmement riches en biodiversité. Exactement, et donc de réduire l'habitat de tout un tas C'est d'espèces clair. qui vivent ici, par exemple le jaguar, etc., etc. Donc il y a un truc évident de destruction de forêts anciennes. Dans un endroit où il y a des zones naturelles écologiques sensibles, des ZNIEF de type 1 et de type 2, ou sur laquelle est aussi prévu qu'il y ait des trames vertes et bleues pour assurer les continuités écologiques, par le schéma d'aménagement régional, parce que effectivement la zone comporte des forêts magnifiques sur sable blanc, marécageuses, mais aussi des savanes très Oui, rares et des zones humides. il faut souligner qu'effectivement la bande côtière guyanaise, elle n'est pas bien large et que les écosystèmes de la bande côtière, ils sont rares. Hein, c'est pas comme si on est dans l'intérieur de la Guyane, où il y a des grandes surfaces de forêts plus ou moins homogènes. Là, on est vraiment dans des biotopes rares du point de vue de la biodiversité. Tout à fait. Alors, en plus, c'est dans la zone du fleuve Irakoubo, qui est un des derniers grands fleuves encore assez propres de la Guyane, qui est pas encore affectée par l'orpaillage, etc. Ou en tout cas très peu, qui accueille lui aussi une biodiversité incroyable avec des lamantins, des loutres géantes, etc. Et puis évidemment, cette défriche et l'installation d'agriculteurs dans ces zones qui auraient aussi des effets induits. Ou indirect, pardon, avec la création peut-être de nouvelles routes, des pollutions agricoles, de l'urbanisation, et puis même des plantes invasives potentielles comme l'acacia mangium. Donc, du point de vue de la biodiversité et du point de vue des synergies entre la lutte contre le réchauffement climatique et sur la biodiversité, là, on n'est clairement pas sur une convergence. Un deuxième point qui est important à voir sur ces histoires de centrales à biomasse dans des zones où il y a encore beaucoup de forêts très anciennes, c'est la question du plan d'approvisionnement et de la rentabilité, et donc la question de la capacité de cette centrale à produire de l'énergie propre et sans trop de destruction environnementale sur un temps long. Or, là, si on regarde un petit peu en finesse le plan d'approvisionnement qui a été validé en 2015, on peut avoir des doutes importants sur la capacité de la centrale à survivre suite à la phase initiale de la défriche pour ouvrir la surface agricole utile. L'idée, ce serait qu'à la place que dans ces surfaces agricoles, une partie de ces surfaces agricoles soit dédiée à planter des arbres à haute densité, ou alors de la canne fraîche, ou alors de faire de l'agroforesterie pour que ça puisse continuer de manière durable à alimenter la centrale. Mais quand on regarde un petit peu les chiffres, en fait, ça paraît extrêmement peu probable que ça puisse de manière durable, ou en tout cas que ce soit dans des proportions suffisantes pour ce faire. Et du coup, ça voudrait dire qu'en fait, se posera très vite la question d'aller défricher ailleurs et donc d'avoir d'autres impacts environnementaux, etc., etc. Il y a d'autres problèmes sur lesquels je passe. Par ailleurs, l'idée de mettre de l'agroforesterie sur ces sols-là, Ça fait des dizaines d'années que des gens tentent. Qu'on essaye en Guyane et qu'on n'a pas réussi. Et qu'il n'y a pas de filière, ou en tout cas très peu de filières, qui fonctionnent sur l'agroforesterie et qui sont capables de donner des modes de vie. Et sur la production agricole en général. C'est-à-dire que si on est sur un modèle d'importation d'alimentation, c'est que pour l'instant, personne n'a réussi à développer en Guyane des modes de production agricole qui soient réellement viables dans le contexte économique. Donc, pour ce qui est des garanties sur le plan d'approvisionnement, à ce jour, il n'y en a aucune sur la capacité de tonnage en bois. Pour ce qui est de la garantie de rentabilité et donc de la survie de cette usine, enfin de cette centrale aussi, là c'est pareil puisqu'elle fonctionne essentiellement sur fonds publics, soit agricoles, soit énergétiques. Il y a peu de chances pour qu'elle soit viable, et se pose la question de tout l'accompagnement agricole et des types de plantations et de la sécurisation des réseaux d'approvisionnement de ces nouvelles potentielles cultures qui viendraient nourrir la centrale, qui là aussi cette question est complètement pas résolue, ou en tout cas très peu résolue pour le moment. Et si on regarde le troisième critère, qui est celui de la recomposition des relations, de la recomposition et de la transformation des modes de vie, en fait, on se rend compte que si on rentre dans le dossier un peu précisément, que ça bénéficierait plutôt à une des catégories de population plutôt qu'à une autre, c'est-à-dire à une population qui a déjà un peu de capital pour venir s'installer, etc., etc. Par ailleurs, les entretiens qu'on a faits avec des agriculteurs montrent qu'il y en a quand même assez peu qui seraient prêts à se lancer dans ces nouveaux plans de culture, etc., et dans ces nouvelles installations. Et en tout cas, ça bénéficierait bien à une catégorie de la population plutôt qu'une autre, par exemple les Amérindiens, qui vivent aussi dans la zone de l'ethnie Kalinia, et qui eux, au moment où se développe ce projet, on y était en septembre 2017, cherchaient à créer une zone de droit d'usage collectif pour avoir le droit de chasser, pour avoir le droit de pêcher et de faire de la bâtie brûlée sur ces terres, mais donc de ne pas être forcément dans une logique plutôt intensive d'agriculture. Et donc eux, ils seraient plutôt perdants dans le... Alors c'est pas forcément vrai pour chacun d'entre eux, mais eux seraient plutôt perdants dans l'histoire, alors qu'en fait, d'autres modes de recomposition ou de création de valeur sur ce territoire pourraient être envisagés, alors soit par de l'écotourisme, soit par la préservation de modes de vie plus traditionnels et autres, qui pourraient aboutir à d'autres solutions pour le territoire. D'autant là encore qu'on est dans une zone relativement accessible de la Guyane. Voilà. Ben écoute, cet exemple, il est vraiment marquant, parce que d'une certaine manière, il fait tilt sur chacun des critères. Hein. L'efficacité écologique, rien ne nous dit que le bilan carbone de tout cet exercice ait un effet positif quelconque, autre que de remplir un quota administratif d'énergie renouvelable. Tu nous as montré que sur la convergence écologique, c'était plutôt une divergence, puisqu'on détruisait directement de la biodiversité très intéressante pour brûler du bois. Sur les relations entre acteurs, on a vu que c'était plus que précaire. Sur la durabilité, qu'il n'y avait absolument aucune espèce de visibilité ou de véritable solide prévision là-dessus. Sur l'effet levier, on ne voit pas très bien, puisque de toute façon, là, on va dépenser beaucoup de fonds publics si on construit cette installation. Sans perspective de multiplier particulièrement ou que ça change quoi que ce soit d'important. Et puis, le contexte tchèque est catastrophique, c'est-à-dire qu'on va augmenter la dépense publique, on va créer une situation qui va être plus compliquée pour tout le monde sur place. Et donc, là, on a l'exemple même de la mauvaise situation auquel conduit l'enchaînement qui va de l'alarmisme bloquant à une espèce de planification technico-administrative rigide qui finalement amène à passer sur tous les critères de bon sens sur qu'est-ce qui permet de nouer de nouveaux liens avec la planète. Donc là, c'est presque un contre-exemple qui nous remet, excusez-nous d'être insistants un peu là-dessus, sur l'importance d'éviter les mauvaises solutions parce qu'elles font florès. Et elles sont très très importantes. En tout cas, Là, on a un premier test. Tous nos critères sont au rouge sur cet exemple. Et j'ajoute que même du point de vue du bilan carbone général C'est de ça. l'ensemble de l'opération, on n'est pas sûr d'être au vert. C'est ça, absolument, parce que la consommation pour couper la forêt, pour Pour construire une faire de l'agriculture usine, intensive de pour faire de canne-fraîche ou l'agriculture, d'arbres à haute densité, etc. absolument, on n'est pas du tout sûr que ça soit efficace du point de vue écologique, même en ne tenant pas compte de la synergie entre climat et biodiversité. Donc le seul fait que des projets comme ça existent doit nous faire arrêter dans nos clameurs en disant attention, attention, là, est-ce qu'on n'est pas en train de pousser à faire n'importe quoi et vite? Mais n'importe quoi, mais vite, c'est quand même n'importe quoi. Bon, on en reste là sur l'aspect critique, et là, on va rentrer peut-être sur des exemples un peu plus, des exemples plus porteurs, hein, puisque c'est ça notre but au bout du compte. Et on va évoquer un exemple dont tout le monde a entendu parler, dans lequel on va rentrer un peu moins en détail, c'est celui des ZAD ou des initiatives type, la plus connue étant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors, je ne vais pas confondre avec les ZAD. En fait, il y a deux choses différentes. C'est que depuis assez longtemps, il y a des gens qui, étant insatisfaits du système, entre guillemets, tel qu'il est, et de la production agricole telle qu'elle est, des relations trop marchandes de notre société, entreprennent d'explorer des modes de vie différents. Et notamment des modes de vie dans lesquels on aurait une vie beaucoup plus autonome en cultivant ses propres aliments localement sur place, dans le cadre d'une sociabilité complètement renouvelée, où on créerait de nouveaux types de collectifs, comme pour utiliser le même mot que tu as utilisé tout à l'heure, qui se réorganiseraient comme des îlots pour l'instant au sein de la société, mais des îlots qui auraient vocation ensuite à se multiplier et peut-être à devenir un continent. Et de cette manière-là, à inventer un nouveau mode de vie, moins intensif, ne supposant pas des échanges à longue distance, etc. Alors, des gens qui font ça sans le dire à personne, il y en a beaucoup, qui vont s'installer à 4 ou 5, faire de la permaculture sur un terrain en Ardèche ou ailleurs. Ce qui leur a donné une visibilité plus grande, c'est des dossiers comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans lequel des gens ayant porteurs de ce type de projet se sont installés au cœur d'une zone à grosse visibilité médiatique à cause du conflit de l'aéroport et ont permis finalement de voir cette expérimentation dans le prisme, parce qu'elle a été placée sous le prisme des médias, et où effectivement on voit des gens qui, la journée, mettent en place des cultures pour produire leur nourriture, mettent en place des systèmes d'échange de marché innovants qui sont beaucoup moins monétarisés que les marchés, disons, de l'économie de marché, même si on parle simplement de marché alimentaire local, et de gens qui passent beaucoup de temps en réunion pour réguler leurs relations interpersonnelles, les éléments organisationnels, les éléments de stratégie pour monter ce qu'ils vont faire, etc. Donc là, on est dans un deuxième type d'initiative qui est n'attendons pas que les pouvoirs publics agissent ou que le système change, installons-nous directement sur la terre. D'ailleurs, leur slogan, c'est habiter, hein, l'idée, c'est de s'installer directement sur un petit territoire où on va faire souche, ou en tout cas s'installer suffisamment pour générer un mode de vie autonome, finalement, qui n'est pas très différent de celui de peuples autochtones qui génèrent leur subsistance directement sur le terrain. Alors la question de ces initiatives, elles sont très visibles dans le débat, hein, puisque il y a beaucoup de gens qui sont porteurs de ça comme rêve, comme projet personnel, etc. C'est très difficile de leur assigner une importance générale, puisque par définition, elles sont dispersées. On est dans le paradigme du drop-out and seed, c'est-à-dire que les gens sortent du radar du système, et donc on ne les voit pas forcément. Mais en tout cas, c'est une composante notable, hein, des alternatives. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire dans la perspective qui est la nôtre? Sur l'efficacité écologique, bon, c'est sûr que sur les émissions de gaz à effet de serre, là, on en émet moins qu'en allant passer des vacances aux Bahamas ou en faisant de l'agriculture intensive. Sur la convergence, par exemple, sur les dossiers biodiversité, ça peut être variable, mais il n'y a pas de présomption négative forte. Il faut quand même rester vigilant, hein, en ce sens que faire de la petite agriculture à son initiative, si on va taper dans des milieux naturels fragiles, ben, on peut aussi faire du dégât. Mais en tout cas, on n'est pas dans quelque chose qui irait de manière sensible, forcément du côté négatif. Du point de vue des relations entre acteurs, on est dans une forte innovation. Et là, on sent à la fois de manière très explicite, extrêmement développée, avec une culture, hein, de ces tentatives d'innovation. Donc là, c'est quelque chose qui va loin. Ça, je trouve que ça permet de souligner ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ici, l'accent est mis sur des relations très directes, interpersonnelles, au niveau du collectif, comme tu l'as dit. Et le point sensible, il va être plus dans la capacité ensuite à transformer ça en des relations organisationnelles, avec d'autres composantes de la société, pour reposer sur des types de contrats qui ne supposent pas des coûts de transaction en permanence, comme dans la phase d'innovation, etc. Je trouve que ça illustre bien l'intérêt d'une continuité dans les différentes dimensions de ces relations entre acteurs. Pour ce qui concerne la durabilité, la ZAD elle-même n'est pas un très bon exemple parce que par définition, c'est une zone plus ou moins éphémère puisque c'est une zone qui est délimitée par le conflit d'installation de l'aéroport. En fait, pour cette histoire de durabilité, il faudra aller enquêter sur le terrain des communautés qui ont fait le même geste d'auto-installation dans des endroits de plus longue date peut-être, et puis dans des endroits qui n'étaient pas marqués par cette, disons, par cette dimension événementielle qui est celle de la ZAD. Donc là, à explorer. L'effet levier, lui, je trouve qu'il est très intéressant, en ce sens qu'effectivement, si ça devient le rêve de beaucoup de gens d'aller faire de la permaculture dans de nouvelles formes de sociabilité et dans des zones plus ou moins délaissées par l'agriculture conventionnelle, il y a un potentiel réel de multiplication. Et comme je le disais tout à l'heure, si cette multiplication a lieu, eh bien, elle créera une forme de clientèle politique qui, à son tour, peut embrayer sur des transformations dans le syndicalisme agricole, etc. On ne parle pas dans le vide en disant ça. Hein. On peut penser au mouvement de néo-ruraux des années 1970 qui, dans certains endroits de France, s'est traduit par de véritables mutations du tissu social et agricole local. Reste la question du contexte tchèque, c'est-à-dire au fond que ces initiatives, elles ont lieu pour l'instant comme des isolats qui, de manière pas forcément visible, ont forcément recours aussi à tous les soutiens de la société capitaliste et administré qui l'entoure. Quand un zadiste a mal aux dents, il va chez le dentiste. Et j'avais adoré la réaction de Xavier Pau au livre d'Ivan Illich, hein, qui dans les années 70 prônait la convivialité, un mouvement très proche finalement de ces auto-installations, etc., par opposition à l'hétéronomie du système. Et Xavier Pau se disait, la convivialité, c'est-à-dire me faire aider par mon voisin, c'est génial, mais j'ai quand même un point où je ne suis pas d'accord, c'est le dentiste. Donc la question de comment ça s'inscrit dans le contexte plus large n'est pas réglée, mais je pense que là aussi, il faut suspendre en disant tout dépend de l'échelle que prennent ces tentatives et des capacités qu'elles auront à renégocier avec leur contexte dans les relations entre acteurs. Donc là, on voit si on n'est plus du tout dans la caricature de solutions négatives qu'on avait pour l'usine à brûler la forêt là, d'Irakubo. Oui, et puis à renégocier pour pouvoir créer des formes de systèmes organisationnels et de prise en charge qui ne sont pas que sur la dimension innovante par rapport à l'environnement, mais qui prennent en charge d'autres dimensions de la vie. Bah de viabilité. De viabilité économique, sanitaire, etc. Tout à fait, oui. Alors, du coup, moi, j'ai un troisième exemple qui est d'une toute autre nature, qui cette fois va plutôt concerner des opérateurs comme les entreprises, alors petites, moyennes ou grandes. va plutôt concerner la question de la transformation du modèle économique général ou du capitalisme. Alors, cet exemple, c'est le modèle CAIR, Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, qui est un modèle comptable développé par Jacques Richard, notamment, et Alexandre Rambaud, et puis d'autres, qui est expérimenté aujourd'hui de diverses manières. Alors, ce modèle s'appelle aussi le triple depreciation line, la triple ligne d'amortissement par opposition à l'idée de triple bottom line, parce qu'ils essayent d'aller beaucoup plus loin que ce que proposent les modèles de triple bottom line, qui consistent à faire du reporting pas simplement sur les enjeux financiers, mais aussi sociaux et environnementaux. Donc ce modèle CAIR, ce modèle comptable, lui, il cherche à donner une place équivalente aux trois grands capitaux, que sont les capitaux financiers, mais aussi le capital humain et le capital naturel ou environnemental. Et donc, pour ce faire, par la comptabilité, de transformer de manière très profonde les modes de gestion et surtout le mode de gouvernance de l'entreprise, et du coup les relations de pouvoir aussi qui sont derrière ce mode de gouvernance. Alors, c'est un modèle qui touche en particulier aux comptabilités générales, donc le bilan et le compte de résultat, qui sont des comptabilités qui sont très normées. En tout cas qui font l'objet de normes qui sont établies par l'Ordre des experts comptables, alors au niveau français, mais par d'autres institutions comme les IFRS et autres au niveau international, et qui définissent les catégories, en réalité les grandes catégories de la comptabilité générale des entreprises, qui sont les mêmes pour l'ensemble des entreprises. Et du coup, l'idée de ce modèle, c'est de dire que dans cette comptabilité générale, et puis dans le bilan et dans le compte de résultat, il faut aussi tenir compte des coûts nécessaires pour conserver le capital naturel sur lesquels les entreprises vont avoir un impact. La même logique s'applique au capital humain, mais je me concentre sur le capital naturel. Et donc, à co-définir avec les acteurs du territoire sur lequel, par exemple, l'entreprise va être impliquée, eh bien, quel est ce capital naturel, quelle est la nature des impacts de l'entreprise sur ce capital naturel, et puis de co-définir ou de négocier avec les acteurs les actions pour lesquelles l'entreprise doit s'engager et doit mettre en œuvre pour le conserver. Puis ensuite, charge à l'entreprise de faire l'évaluation en termes de coût de ses actions, et puis de le budgéter dans un plan d'amortissement sur plusieurs années pour faire en sorte que ce capital naturel soit maintenu ou restauré. Alors, ce qui est très intéressant dans ce modèle, c'est qu'il s'inscrit dans une logique de soutenabilité forte et non pas de soutenabilité faible comme le modèle de triple bottom line. En ce sens, qui propose en réalité quasiment de redéfinir la notion de profit, en fait. Puisque, à partir du moment où on met sur un même plan d'équivalence le capital humain, naturel et financier, on ne peut calculer un profit qu'en ayant soustrait les dépenses nécessaires au maintien de ces trois capitaux. Et donc, on rendait compte plus seulement aux actionnaires, mais le chef d'entreprise doit aussi rendre des comptes aux parties prenantes du capital C'est naturel, ça. pour reprendre leur terme, ou du capital Dit humain. autrement, il faut que ce soit équilibré et profitable, non seulement pour les actionnaires, mais aussi pour la planète et aussi pour les stakeholders humains de l'entreprise. Tout à fait. Et tout ça en définissant de manière précise des actions à mettre en œuvre, des objectifs écologiques ou de santé humaine à obtenir dans le cadre de la gestion de l'entreprise, etc., etc. Donc, on renverra aux articles nécessaires pour les auditeurs du podcast. Si on cherche à réfléchir à partir de nos cinq critères, Le premier qu'on peut discuter, c'est celui d'effet de levier. Alors cette fois-ci, contrairement à la ZAD, Ouais, c'est l'inverse là, hein. voilà, on n'est pas dans un effet de levier par diffusion ou par multiplication, quoique, parce qu'il y a quand même de la normativité, etc. Mais bon, l'effet de levier principal, il est par l'effet de pénétration. C'est-à-dire que là, on rentre au cœur de ce qui fonde la gouvernance et le fonctionnement des entreprises aujourd'hui, et leurs décisions, Oui, etc. Et du coup, leur logique et d'impact puis on sur définit une l'environnement. norme, puisque c'est des normes qui sont fixées à un niveau central, et à partir de là, elles vont nécessairement infléchir les logiques des entreprises. Donc là, on est un effet de levier par pénétration, plus plus. Ensuite, il y a la question de la durabilité et de l'institutionnalisation. Donc là, de la même manière, puisque on est dans de l'institutionnalisation par la norme comptable, là aussi, on est dans quelque chose qui peut avoir une durabilité importante, importante dans le temps. Et qui du coup voilà, a un effet de durabilité très très fort. Alors, ce que j'aimerais juste pointer, c'est que ces deux premiers éléments, à savoir le levier central De durabilité. et la durabilité, expliquent aussi la difficulté extrême d'obtenir ce type de changement. Hein. C'est comme un levier. Si le poids à soulever avec le levier est très très lourd, il faut un bras très très long. Autant c'est facile de partir à 4 ou 5, enfin facile entre guillemets, pour faire de la permaculture en Ardèche, autant attaquer au cœur du système de normativité de la compta des entreprises pour le changer est une entreprise d'une toute autre haleine. Donc le levier se paye. Voilà, donc là on est sur le ecological check, c'est-à-dire qu'il est extrêmement compliqué. Puisque si la France décide du jour au lendemain de changer ses normes comptables, évidemment, on va se retrouver par exemple avec des entreprises qui ont à payer un coût écologique et un coût en capital humain extrêmement important par rapport aux autres pays, etc., etc. Donc évidemment, l'ecological check est plus compliqué. Alors il y a des travaux en cours justement pour essayer de progresser, alors soit en négociant avec les ou en discutant et débattant avec les gens qui émettent ces normes comptables ou qui les font, soit en commençant à expérimenter le modèle. Mais effectivement, ça reste quelque chose de très compliqué. Alors juste les deux autres critères, eh bien il y a l'aspect de convergence. Bon là, l'aspect de convergence et d'efficacité écologique, là on y est très clairement. Ben, ça dépend en fait beaucoup de la capacité à définir techniquement des normes comptables qui en rendent compte. Or, celle-ci, elle n'est pas donnée. Hein, ce n'est pas quelque chose de garanti. Donc là aussi, il faut être vigilant. C'est-à-dire que si on se retrouve simplement à avoir des quotas d'émissions de CO2 et c'est tout, on n'aura pas de convergence parce qu'on va encore une fois être poussé vers des solutions qui maximisent ce critère-là. Même si c'est en ayant des impacts extrêmement négatifs sur d'autres points. Et par ailleurs, on peut très bien avoir des effets techniques qui font que la définition des critères techniques des critères comptables fasse rater les cibles environnementales. Donc là, le diable niche dans les détails. On reviendra sur ce thème. Il n'existe pas de solution qu'on puisse juger sans rentrer dans le fond des dossiers. Je pense que c'est un des points très négatifs de l'alarmisme bloquant, c'est de croire qu'en regardant les choses en gros, on peut les juger. Non, pour juger, il faut pouvoir rentrer dans le fond des dossiers. Et là, le diable est dans les détails. Oui, puisque chaque entreprise, selon son secteur, selon ce qu'elle produit, selon ce qu'elle rend comme service, va avoir des interactions avec les écosystèmes extrêmement différentes C'est ça. et va être encastrée dans un territoire avec d'autres acteurs avec qui elle va devoir définir le C'est ça. capital naturel et autres extrêmement différentes. Donc là, Voilà. et c'est ce à quoi appellent d'ailleurs les auteurs ou ceux qui proposent ce modèle, hein, il faut évidemment rentrer dans le détail des types de gestion que ça demanderait. Et là, ça devient forcément tout de suite un peu plus compliqué. Mais néanmoins, ouvre des perspectives importantes. Alors le dernier critère, celui des recompositions des relations et voilà, de création de collectifs. Donc là, on est en plein dedans aussi, puisque enfin, comment dire, adopter ces nouveaux modèles comptables, ce serait enclencher une dynamique de recomposition du collectif de l'entreprise elle-même, c'est-à-dire C'est de clair. renégociation et de recaractérisation de ce qu'est une entreprise, de ce que sont ses missions, des relations entre les employés, les chefs d'entreprise, etc., au sein de l'entreprise, par exemple pour ce qui est du capital humain, mais aussi de coupler ça à des recréations de relations très, très intéressantes et sur d'autres plans que ce à quoi on est habitué avec les acteurs du territoire autour de voilà, la prise en charge de ces problèmes écologiques, de ces problèmes écologiques partagés sur lesquels l'entreprise impacte. Et là aussi, il y a un potentiel, si les entreprises adoptent et mettent en œuvre ces modèles comptables, de recréation de relations et de collectifs. Oui, sachant que effectivement, ça illustre vraiment la force de cet aspect de réorganisation des relations, puisque ces nouvelles comptabilités, elles supposent des organisations qui fonctionnent différemment. Hein. Et donc, c'est un peu l'œuf et la poule. On ne sait pas si c'est en changeant la dynamique organisationnelle qu'on va pouvoir changer petit à petit la comptabilité, ou en changeant les normes comptables qu'on va induire du changement organisationnel. C'est bien sûr les deux en même temps. Mais là, on touche du doigt cet aspect très très important. Même si le changement ici est un changement comptable, ça passe par des réorganisations des relations entre les acteurs. Alors moi, je vais introduire un quatrième exemple qui est encore d'une nature tout à fait différente. C'est une entreprise française très récente qui a fait la une des médias récemment parce qu'elle a réussi une levée de fonds tout à fait exceptionnelle dans le domaine agroalimentaire. Elle a levé 110 millions d'euros pour construire une usine d'élevage d'insectes destinée à fournir des protéines pour l'alimentation animale et pour d'autres usages, peut-être pour engrais, etc. Et quand on dit alimentation animale, c'est d'une part éventuellement pour les animaux domestiques, donc de la poudre de protéines pour aller dans les croquettes pour chiens, et puis d'autre part pour l'aquaculture. Alors qu'est-ce qui fait de cet exemple un exemple qui nous concerne? C'est qu'en fait, cette entreprise va fabriquer dizaines de milliers de tonnes de protéines qui vont venir se substituer au produit actuellement utilisé, qui est de la farine de poisson qu'on va pêcher dans les pêcheries naturelles des océans. Et donc, chaque unité de protéines qui va être produite par cette usine va être autant de moins qui pèse sur les pêcheries océaniques, alors qu'on voit bien que la pression de pêche sur les poissons qui donnent la farine de poisson est un facteur limitant du point de vue de la biodiversité et de la durabilité des ressources marines. Je trouve l'exemple particulièrement intéressant parce que cette fois-ci, on est en pleine logique capitaliste, si on peut dire. Il s'agit d'une logique entrepreneuriale. Cette entreprise va fabriquer de manière compétitive, à la fois en termes du produit technique fabriqué et de la rentabilité de cette fabrication, un produit qui se substitue à un autre produit qui, lui, a des impacts écologiques très importants sur la biodiversité notamment. Et donc là, de mon point de vue, l'efficacité écologique et la synergie ne font pas de doute. Modulo le fait qu'on suppose que les aliments, c'est de la farine que mangent ces insectes, génèrent moins d'impact que le fait d'aller taper dans les pêcheries océaniques et que le rendement de la transformation est meilleur. Les relations entre acteurs, finalement, elles n'ont pas à être profondément modifiées puisque dans le cadre des relations existantes, les acheteurs achètent le meilleur produit technique au meilleur prix et si par chance un entrepreneur leur propose un produit meilleur et meilleur pour la planète, tout va bien. Je note d'ailleurs en passant que si on appliquait le modèle CARE, eh ben, que tu viens de décrire, cette entreprise, elle aurait une très bonne ligne d'amortissement sur la durabilité et a priori, elle n'aurait pas du tout de mauvaise ligne d'amortissement sur le social, puisqu'au fond, elle va acheter des produits aux agriculteurs locaux plutôt que sur le marché de la farine d'anchois, le marché mondial de la farine d'anchois. Bon, la durabilité, elle dépendra évidemment de la technique de ces installations. L'effet de levier, il paraît énorme parce qu'effectivement, à partir du moment où ce type de production est compétitive, il n'y a aucune raison qu'elle ne prenne pas des parts de marché de plus en plus grandes. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans cet exemple, c'est qu'il montre qu'il n'y a pas besoin d'être une toute petite start-up de 5 personnes pour faire quelque chose d'innovant. Là, on est d'emblée dans une entreprise de taille industrielle et qui a des ambitions internationales, puisque à partir de leur usine en France, ils ambitionnent de construire d'autres usines dans d'autres pays. Donc en fait, ça met l'accent sur quelque chose qu'on avait déjà souligné dans l'autre podcast, c'est qu'il ne faut pas se braquer sur une échelle contre une autre échelle en fait. L'action, elle doit pouvoir se mener à énormément d'échelles. Donc moi, cet exemple, je le trouve très très complémentaire de ceux qu'on a mentionnés et aussi très différent de tous les exemples qui reposent soit sur une espèce de volontariat enthousiaste, mais qui n'est pas sûr de son réalisme, soit sur une aide massive des pouvoirs publics qui est d'une autre nature et qui a juste un but correctif par rapport à des dysfonctionnements du système économique. Donc je trouve l'exemple, je ne sais pas ce que tu en penses, très éclairant. Oui, le nom de la société, c'est Insect, écrit avec Y tréma, S-E-C-T. C'est une jeune entreprise française qui a de grandes ambitions. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce que tu as dit par rapport à l'innovation d'avant, c'est-à-dire que là, même si elle changeait son mode de gouvernance, etc., pour aller vers un mode de gouvernance plus écologique qui reposerait sur le modèle CARE et autres, elle resterait gagnante puisqu'elle est déjà dans la synergie entre les trois capitaux. Mais même sans le faire, et en restant dans un modèle d'organisation et d'entreprise plus conventionnel ou actuellement, en fait, il y a aussi des marges de manœuvre pour des initiatives qui créent de la valeur écologique dans le cadre du système là. Et puis ça me fait penser aussi, on pourra en discuter à un autre moment, mais à d'autres entreprises qui sont plus sur le secteur environnement et qui elles cherchent carrément à vendre de la création de valeur environnementale, soit en faisant des métiers de restauration de berges, de rivières, soit en créant des initiatives qui visent à convertir des agriculteurs des types d'agriculture qui préservent les sols ou préservent les nappes. Voilà, mais ça, ces initiatives-là, elles sont d'une toute autre nature. Parce que là, dans le cadre de Insect, là, je ne sais pas comment ils prononcent leur nom, on est bien dans le cadre d'une entreprise qui vend des protéines et qui, ce faisant, crée de la valeur écologique. Alors que dans les cas que tu mentionnes, on est dans des entreprises qui vendent de la valeur écologique et donc qui ont besoin, en face d'eux, de gens qui sont en manque ou en déficit de résultats environnementaux et qui sont prêts à l'acheter parce qu'ils ne sont pas en capacité de le créer dans leur entreprise. Donc dans un cas, on crée que du positif du point de vue de l'environnement. Dans l'autre cas, on crée du rééquilibrage pour des gens qui continuent à créer du négatif. Donc c'est juste pour dire qu'on n'a pas été exhaustif. On aurait pu aussi développer toutes ces entreprises qui œuvrent dans le domaine de la compensation, de la création de valeurs écologiques pour contrebalancer les valeurs négatives environnementales. Mais on est dans quelque chose qui est différent du point de vue de sa logique et notamment qui va se financer tout autrement et qui va induire des mécanismes de gouvernance et des dynamiques entre acteurs tout à fait autres. Alors, du coup, peut-être qu'un cinquième, une cinquième ouais, série effet, d'exemples ouais. qu'on peut discuter, c'est un ensemble d'initiatives qui, alors ça peut prendre effectivement la forme de start-up ou la forme d'initiatives partagées par des collectifs de gens qui cherchent à transformer leur mode de vie, mais en tout cas, ce sont des initiatives qui ont pour point commun de chercher à systématiser ou à avoir un effet de levier sur les petits gestes, c'est-à-dire de passer des petits gestes qu'on ferait tous individuellement pour améliorer notre impact sur l'environnement à une véritable transformation de la vie quotidienne et de nos modes de consommation. Mmh. Donc c'est des initiatives qui sont là pour aider à équiper en donnant des outils ou à systématiser les petits gestes pour avoir un effet plus important, et évidemment ça a des effets sur la transformation des modes de vie. Alors ce que je trouve intéressant dans cette histoire là c'est qu'on a beaucoup stigmatisé dans le cadre de l'alarmisme bloquant les petits gestes, on disait toujours dans la logique des petits pas, les petits gestes c'est des petits pas, donc c'est pas le grand pas, donc ça n'avance pas. Et par ailleurs on a rendu très visible des gestes presque totaux, c'est-à-dire le fait d'aller s'installer dans une cabane en bois dans une ZAD pour changer entièrement de mode de vie. Comme si, entre les deux, il n'y avait rien. Or, entre les deux, il y a, d'une certaine façon, ce qui est sans doute l'essentiel en termes de potentiel de changement et de masse. Donc, ça vaut le coup, effectivement, de s'intéresser à ce continuum et de ne pas rester dans ce côté binaire entre le pas total et puis le petit pas qui ne voudrait rien dire. Et donc, bah, y a trois exemples rapides. Le premier, ça pourrait être, par exemple, la ruche qui dit oui, hein, qui vise à mettre en relation des producteurs locaux avec des consommateurs pour acheter des produits bio, et qui crée donc aussi une relation, une communauté entre les acheteurs plutôt urbains et les producteurs, voilà, et autres. Ça va être tout le mouvement des AMAP, achats directs, etc., etc. Alors après, il y a d'autres initiatives qui touchent par exemple au secteur des transports. Alors je citerai un exemple qui est l'entreprise Ecov, qui a créé la solution Covoit ici, qui a été créée notamment, pas uniquement, mais par Thomas Matagne, que je salue au passage. Qui vise à proposer des formules de covoiturage courte distance. Et donc à proposer, par rapport à d'autres solutions comme Blablacar, qui sont plutôt du covoiturage longue distance, à proposer, avec le soutien des collectivités locales, donc avec du soutien public, des stations de covoiturage qui sont connectées dans les zones périurbaines et rurales, avec des bornes pour effectuer des demandes de trajet, etc. Et puis des affichages sur des panneaux près des routes pour dire quels sont les trajets disponibles ou pas disponibles. Donc cette solution, elle est très intéressante aussi. Et puis elle répond à des problématiques très actuelles aussi, hein, qu'on a vues dans les manifestations actuelles. Donc cet exemple, il me paraît particulièrement intéressant du point de vue de la réorganisation des relations entre acteurs. Pourquoi ? Parce qu'il implique très directement des niveaux très différents de relations entre les acteurs. Le plus évident, c'est évidemment qu'il faut des accords institutionnels, financiers, etc., pour construire l'infrastructure, le point de rencontre du covoiturage. Et il faut aussi des accords pour installer les incitations financières qui vont être assez décisives pour savoir si ça vaut le coup. Mais tout aussi important sont les relations interpersonnelles entre les covoitureurs. Parce que le vécu de la personne qui part et qui revient de son travail en voiture, c'est aussi une forme d'intimité dans sa voiture. Et donc, la question de savoir si le partage avec quelqu'un d'autre va être plus agréable ou aussi supportable que l'intimité avec la musique qu'on a choisie dans une voiture dont on a choisi l'odeur, le modèle, les sièges, etc., est équivalente, ça va être à la fois une condition pour que ça accroche au départ, mais aussi une condition de durabilité. Et donc on voit que la durabilité, elle va dépendre de la durabilité des financements, mais elle va dépendre aussi de la durabilité des relations interpersonnelles qui vont être nouées. Je trouve de ce point de vue-là l'exemple tout à fait éloquent en fait. Et alors, simplement, si on reste là-dessus, sur le ecological check, pas sur le ecological check, pardon, sur les convergences et entre les causes écologiques et sur l'efficacité environnementale, a priori, oui, pour ce type de solution, mais attention quand même à rentrer dans chaque dossier à chaque fois, pour voir si, par exemple, il n'y aurait pas des éventuels effets rebonds qui ferait que dans la mise en place de ce type de... Alors pas sur cet exemple précis, mais de mode de transport alternatif, et ben ça augmenterait pas la manière le nombre de trajets, etc., etc. Donc là, on renvoie par exemple à une étude qu'avait produite l'IDRI il y a quelques années sur les conséquences de l'économie du partage. Mais voilà, ça pose attention quand même à regarder chaque solution dans le détail. De toute façon, il faut rester vigilant. Puis alors, un troisième exemple qu'on voulait évoquer sur ces changements de comportement et de consommation, c'est un exemple assez frappant, c'est les gens qui décident, l'entreprise qui consiste à dire ben, « chez moi, je vais m'orienter zéro déchet ». C'est-à-dire, je veux que, si on enlève la part compost, j'ai pas de poubelle ou j'ai une poubelle minime à remplir, par exemple, je remplis une poubelle par mois plutôt que quatre poubelles par semaine. Et donc, en fait, quand on lit les gens qui font ce genre de choses, hein, sur des forums ou autres, on s'aperçoit que c'est une démarche assez radicale, parce que ça suppose de changer complètement ce qu'on achète. Mais pour pouvoir changer à ce point-là ce qu'on achète, il va aussi falloir changer ce qu'on consomme. Il y a des choses qu'on ne va plus manger parce qu'elles ne viennent que suremballées. Il y a des objets de consommation qu'on ne va plus acheter parce qu'ils ne viennent que suremballés. Et donc c'est une transformation de mode de vie à l'échelle de tout le foyer en fait. Donc il ne suffit pas en plus qu'il y ait une seule personne qui dise « moi je vais faire ça ». Il faut que les autres membres du foyer jouent le jeu. Donc là en fait, on s'aperçoit bien qu'il y a un continuum du petit geste au très grand geste. Hein. Si on pousse le geste « diminuer les déchets produits » jusqu'à l'extrême, eh bien, on arrive à transformer à un mode de consommation et donc à transformer en bonne partie un mode de vie. Et donc, moi, je suis plein d'intérêt et d'admiration pour les gens qui se lancent dans cette démarche. Alors, du point de vue... Bon, on ne va pas repasser les critères en revue. On se rend compte, encore une fois, que ça met en jeu des éléments de relation, d'efficacité, etc. Des effets de levier, que ça pose des convergences. Aussi des questions d'ecological check, et on se demande jusqu'où peut aller l'effet de levier. Mais pour revenir juste sur l'effet de levier, l'espoir n'est pas forcément que tout le monde se mette à ces solutions-là, mais c'est sûr que si beaucoup de gens prennent cette direction-là avec suffisamment d'énergie, pas forcément tous jusqu'au bout, ça peut mettre une grosse pression pour proposer des produits, des marchandises, des modes de consommation qui soient de manière native, proposés avec beaucoup moins d'emballage. On en voit aujourd'hui les prémices hein, dans le développement des magasins qui vous proposent des produits alimentaires en vrac. Mais donc, là aussi, on a une piste qui est intéressante. Bon, et donc maintenant, il est peut-être temps de conclure ce long podcast. On propose une conclusion en 6 points. Donc Clément, pour le premier point. Eh bien, le premier point, c'est que il faut rappeler que dans tout le développement qu'on a fait, l'enjeu n'est pas pour nous de dire que l'alarmisme bloquant se confond avec le mouvement du climat ou inversement. Le mouvement du climat n'est pas l'alarmisme bloquant, mais l'alarmisme bloquant a une emprise importante comme discours de cadrage aujourd'hui sur le mouvement climatique, ou en tout cas le mouvement pour la planète plus largement. Or, il existe aussi dans le mouvement pour le climat tout un tas de germes sur lesquels on pense qu'il faudrait plutôt s'appuyer, et de ficelles qu'il s'agirait plutôt de tirer. Et qui recoupent complètement les exemples qu'on vient de donner, par exemple. Tout à fait. Et, mais que le discours de cadrage de l'alarmisme bloquant ne favorise pas. Et donc l'ensemble de ces choses qui sont déjà en germe dans le mouvement climatique, qui sont déjà en fait dans l'imaginaire convoqué depuis longtemps par le mouvement pour la planète, c'est celle-ci qu'il s'agirait de réinscrire dans un discours de cadrage différent. Et qui permettrait de soutenir des initiatives pertinentes du point de vue de la planète. Oui, tout à fait. Et donc, le deuxième point, c'est la question, quelle attitude ça demande ? Et cette attitude, effectivement, c'est plutôt de s'appuyer du coup sur ce pied-là qui est déjà en germe dans le mouvement du climat, qui a une attitude d'envie, en fait, d'enthousiasme et de soutien, qui demande en fait une sorte de changement de pied pour passer d'un discours qui est principalement un discours d'alarme, pour passer sur l'autre pied plus fortement, de manière plus prononcée, qui est celui de l'enthousiasme et du soutien, qui existe, mais qui est malheureusement largement, assez peu audible dans l'ensemble, recouvert en fait par le bruit du discours de cadrage de l'alarmisme bloquant. Alors ça donnerait des choses du style, c'est pas les autres qui doivent faire quelque chose. Et comment dire, le discours principal des manifs pour le climat ou autres ne serait plus les autres, vous devez vous bouger, sinon on va tous mourir, mais plutôt, voilà, comment est-ce qu'on pourrait tous se bouger? Donc ce serait des formes de discours comme ça. Alors c'est pas facile à préciser. Voilà, on laisse aux auditeurs le soin d'imaginer les pancartes, etc. L'idée, c'est on va tous se bouger, et donc vous aussi, les autres, vous allez vous bouger. C'est-à-dire que le public a aussi une capacité à entraîner dans son sillage les pouvoirs publics. Donc, le troisième point, c'est le suivant, c'est qu'une fois qu'on a dit que c'était une question d'enthousiasme, de mobilisation et de soutien, il faut ajouter tout de suite quelque chose qui est d'un tout autre ordre, c'est que ça impose de rentrer dans le fond des dossiers. C'est-à-dire, quand on regarde les multiples propositions d'action, sur le papier, tout paraît parfait. L'usine a brûlé de la biodiversité de forêt ancienne en Guyane. Sur le papier, elle peut se présenter de manière tout à fait honorable. Et même chose pour toutes sortes de solutions. En fait, pour soutenir à bon escient, il ne suffit pas d'en venir à des choses emblématiques ou des choses iconiques du genre « c'est des éoliennes donc c'est formidable » ou des choses de ce genre-là. Il faut être conscient qu'on est dans des domaines très techniques, s'agissant d'énergie, s'agissant de fonctionnement écologique, s'agissant de biodiversité, et aussi très compliqué du point de vue de l'organisation des relations entre les humains, des dimensions économiques que ça va mobiliser. Et donc, il n'est pas possible de soutenir sans s'engager dans des formes de compréhension, d'analyse, y compris d'analyse critique, sur ce qui est proposé. D'où l'importance de ne pas en rester à gueuler sur « il faut faire quelque chose absolument n'importe quoi, mais vite », mais au contraire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui marche? Et dans ce « qu'est-ce qui est utile », le critère principal, c'est le résultat environnemental. C'est très difficile à entendre parce qu'on a tellement pris l'habitude du dérapage qui consiste à remplacer le résultat environnemental par des critères de moyens qui peuvent être complètement décalés, qu'on ouvre la porte tout grand à des dérapages qui sont déjà en route à grande échelle. Je prends un exemple, la transition énergétique avec ses quotas d'énergie renouvelable permet parfaitement de faire des projets d'énergie renouvelable qui émettent plus de CO2 qu'ils n'en économisent, tout en détruisant beaucoup de biodiversité et en pesant sur l'économie et la qualité de vie des ménages. Donc, la question urgente, c'est de rentrer dans le fond des dossiers en insistant pour recentrer sur le résultat environnemental, pas seulement climat, environnemental sur l'ensemble des aspects de la planète. Donc, ce troisième point, il est vital, il est vraiment un manque majeur dans la manière actuelle d'aborder les choses, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a besoin d'enthousiasme, mais aussi d'une forme d'engagement dans le contenu. Il ne s'agit pas forcément de s'engager en faisant soi-même tout le monde, mais de s'engager dans le contenu pour comprendre ce qui est en jeu et pas se contenter d'éléments simplement emblématiques. Alors du coup, effectivement, une fois qu'on a dit ça, cette attitude de soutien, elle devient conditionnelle. Absolument. Et elle devient conditionnelle à ce regard critique le plus acéré possible sur les solutions ou les initiatives qui sont prises par les uns et par les autres, mais une forme de critique constructive, soit pour les encourager à améliorer les formes d'initiatives qui sont prises par rapport aux critères qu'on a mentionnés tout à l'heure, pour continuer à améliorer les bonnes initiatives, soit pour contribuer à bloquer les initiatives qui, sur le papier ou dans le discours, pourraient paraître bonnes, mais qui, en fait, sont des initiatives qui auraient un résultat environnemental négatif. Absolument. Et il y a un troisième point sur lequel l'engagement est possible, c'est où l'attitude d'enthousiasme est possible, c'est effectivement avoir soi-même un enthousiasme à s'engager, à changer ses pratiques, ses modes de consommation. Mais ça, c'est quelque chose qui est déjà très présent dans le mouvement pour le climat. Alors du coup, ça veut dire qu'il faut réfléchir à des formes de soutien conditionnel aux opérateurs, de là où ces de là où on est, en fait. Oui, ça, c'est le quatrième point, en fait. C'est que le soutien, il va vers des opérateurs qu'on va faire réapparaître dans le tableau. Alors, soit on est soi-même un opérateur qui peut avoir un effet d'échelle plus ou moins grand, et dans ce cas-là, c'est s'engager soi-même, soit c'est soutenir conditionnellement et engager la conversation ou le débat ou ou d'autres formes d'engagement avec ces opérateurs qui les aident à faire le pas d'après dans les initiatives et les recompositions qu'ils proposent. Alors, c'est aussi quelque chose qui n'est pas absent du mouvement pour la planète aujourd'hui, mais le problème, c'est que l'alarmisme bloquant contribue en fait grandement soit à nier qu'un certain nombre d'opérateurs font déjà beaucoup de choses, comme des administrations ou des fonctionnaires qui se bougent, mais comme on est constamment dans un discours d'accusation que l'État ne se bouge pas assez ou que le public ne se bouge pas assez, on ne reconnaît pas leur contribution. Pour donner juste un exemple, quand on voit le boulot incroyable que les pouvoirs publics font pour rendre plus sévères les normes de consommation des voitures, les normes de consommation énergétique des bâtiments, etc., etc., les négociations au couteau dans lesquelles s'engage le ministère de l'Environnement sur ces choses-là, et même chose au niveau européen, c'est difficile de rester sur « on ne fait rien ». Soit ça contribue, l'alarmisme bloquant, à caricaturer en fait des opérateurs dont on dit qu'ils ne font de toute façon jamais assez et jamais rien, et que ce qu'ils font est de et que ce qu'ils font quand ils font des choses, que c'est forcément de mauvaise volonté, comme par exemple les initiatives que prennent des entreprises, petites ou grandes. Alors quand on dit ça, il s'agit évidemment pas de suspendre la critique sur les initiatives qui seraient de l'ordre du greenwashing, etc., etc., bien sûr que non, mais il s'agit en tout cas de revenir plutôt dans une posture d'identification et de soutien aux initiatives de ceux qui, de là où ils sont, cherchent déjà à recomposer et à faire le pas d'après, et puis pour que l'enthousiasme soit partagé de ce point de vue-là. Alors là, j'ai un exemple anecdotique, mais que je trouve très parlant. Dans l'excellente interview d'Aurélien Barreau par Thinkerview, à un moment donné, dans les solutions possibles, ils évoquent l'isolation des bâtiments. Et la personne qui interviewe Aurélien Barreau suggère que c'est demande si c'est pas une forme de greenwashing. Et Aurélien Barreau se justifie en disant oui, moi aussi je pensais que c'était du greenwashing. Et il explique qu'il a été obligé d'aller consulter des spécialistes pour qu'ils lui expliquent que l'isolation des bâtiments, loin d'être du greenwashing, était une mesure particulièrement pertinente. J'ajouterais qu'en fait, qu'elle est infiniment plus pertinente que beaucoup de mesures que tout le monde adopte sans réfléchir, parce qu'elles sont iconiques ou emblématiques, telles que les éoliennes ou la biomasse. Et donc, en fait, il y a vraiment un besoin d'aller voir le contenu des dossiers et les opérateurs et ce qu'ils font. Pourquoi on soupçonne l'isolation des bâtiments d'être greenwashing ? Parce que c'est porté par des acteurs institutionnels et parce que ça ne fait pas mal d'une certaine manière, que ça n'est pas un moyen de mettre en difficulté les acteurs institutionnels. Et donc, pour récapituler sur ce point, de là où nous sommes chacun d'entre nous, il y a des opérateurs avec lesquels on peut rentrer en dialogue, il y a des choses qu'on peut commencer à faire et qu'il s'agit déjà de commencer à penser, de manière ouverte, sans caricaturer forcément ceux qui commencent déjà à l'action, sans suspendre non plus la critique quand effectivement, et c'est aussi souvent le cas, ça ne produira pas de résultats environnementaux. Voilà. Et donc, évidemment, dans le mouvement pour le climat, c'est déjà présent, mais le nombre d'opérateurs auxquels ce type de message s'adresse reste souvent assez limité. C'est-à-dire qu'on voit plus souvent des pancartes qui sont plutôt le soutien aux ZAD, le soutien à des petites permacultures. Ou la méfiance à l'État. Voilà, ce qui peut avoir du sens, ce soutien-là, mais qui pourrait s'élargir à d'autres opérateurs sans que ça pose un problème majeur. Alors, ceci étant, et c'est le cinquième point, on comprend pourquoi ça pose un problème majeur. C'est que quand on prend la liste des types d'opérations, et encore, on n'en a évoqué que quelques-unes ici dans le podcast, y a immédiatement des contradictions qui nous sautent aux yeux. Parmi les exemples qu'on a pris, on a eu l'exemple des zadistes, qui sont délibérément dans une démarche pour sortir du système, et y compris du système capitaliste. On a eu le modèle comptable CARE, qui lui s'engage dans une forme de renégociation des conditions de fonctionnement de l'économie, de la notion de profit, et donc dans une forme de renégociation du capitalisme, si on peut dire. Et puis, on a un exemple comme celle de la société qui fabrique des protéines à base d'insectes, et elle qui inscrit un projet à l'impact environnemental très positif, directement dans les dynamiques du capitalisme, mais pas seulement dans une forme d'adaptation passive. Elle met à profit la force d'action du capitalisme, les moyens financiers, la puissance technique, etc., au service d'un projet qui est de substituer à des farines de poissons pêchées dans les océans, des produits qui, eux, viennent de la terre et ont un impact environnemental moins grand. Alors, on voit immédiatement la difficulté dans laquelle ça peut mettre des personnes pour qui l'attitude vis-à-vis du capitalisme est une priorité. Hein. Si je suis un tenant de la croissance verte, je ne vais pas forcément être hyper enthousiaste pour aider à trouver des conditions qui permettent aux zadistes de poursuivre leurs expériences. Je ne sais pas non plus quelle va être ma position dans la renégociation des normes comptables. Et puis à l'inverse, si je suis un anticapitaliste engagé, comme le sont une partie des gens de la sphère écologiste telle qu'elle est organisée actuellement, ça va me paraître absolument incongru de soutenir des initiatives qui sont dans une dynamique capitalistique, même si ces initiatives sont excellentes pour la planète. Je vais peut-être développer des argumentaires du genre, c'est peut-être bon ponctuellement pour la planète, mais puisque ça conforte le système capitaliste, in fine, c'est mauvais pour la planète. Donc là, je pense que c'est un point sur lequel on revient souvent dans nos discussions. En fait, la question est de savoir si la priorité, c'est la planète, ou si la priorité, c'est de faire prévaloir ses idées sur tel ou tel point, par exemple sur le capitalisme ou d'autres aspects. On pourrait dire aussi sur le protectionnisme, hein, on pourrait prendre d'autres exemples que le capitalisme. Il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est la notion d'éclateur idéologique, qui vient de l'analyse institutionnelle de Lourau et Lapassade dans les années 70, et qui désigne une situation telle que les dichotomies habituelles ne sont plus tenables. Or, je pense que dans la situation où nous sommes aujourd'hui sur la planète, il y a quelque chose de hautement problématique à s'accrocher à ces dichotomies comme une huître au rocher, quitte à faire couler les convergences qui convergeraient sur la planète. Et donc, pour moi, les choses sont relativement claires. Quelqu'un qui refuse un projet capitalistique bon pour la planète, ça veut simplement dire que pour lui, la lutte anticapitaliste est plus importante que le résultat environnemental et écologique. Et il ne peut pas nous dire « la priorité, c'est le résultat environnemental et écologique, mais à condition que, s'il y a une condition, c'est que cette condition est prioritaire ». Mais souvent, cette position vient de la part de personnes qui considèrent que même si une initiative qui relèverait du capitalisme puisse avoir des effets positifs sur la planète, en réalité, elle contribue à maintenir et à renforcer un système qui, lui, est profondément détriment du résultat environnemental. Oui, bien sûr, mais l'inverse vaut dans l'autre camp aussi. C'est-à-dire qu'on peut tout aussi bien plaider que des initiatives interstitielles qui sont ponctuellement très favorables quand elles se déroulent dans les interstices du système actuellement, si elles étaient portées à l'échelle macro, pourraient elles également être destructrices. C'est justement ces raisonnements totalisants qui ramènent la priorité à tel ou tel positionnement idéologique qui empêche de tisser de nouvelles convergences. Et parce que, au fond, si la planète n'est pas capable, si le souci du résultat réel sur la planète n'est pas capable de faire bouger ses lignes, eh bien, on restera sans doute bloqué dans l'endroit où on est aujourd'hui. Hein, les tenants de la croissance verte, ils pourraient dire exactement la même chose. Pour sauver la planète, il y a besoin de dégager des moyens, des marges de manœuvre, de fournir de l'alimentation avec des productivités meilleures, etc., etc. Si on ne le fait pas, on va se retrouver dans des situations limites où on va être amené, id extremis, à forcer les limites du système parce qu'on n'aura plus de marge de manœuvre en termes de prospérité, de moyens, etc. Donc si chacun reste sur son précaré, idéologique, qu'est-ce qu'il perd? C'est la possibilité de nouvelles convergences et de nouvelles recompositions pour la planète. Donc en fait, ce qui est proposé ici, c'est quelque part de retourner la chaussette d'une certaine manière et de mettre au cœur la question du résultat pour la planète et de faire confiance au fait qu'à Exactement. partir du moment où on soutient des initiatives, aussi diverses soient-elles, dont on pense qu'elles produiront du résultat environnemental et renoueront des formes de relations, etc., eh ben on peut faire confiance à cette nouvelle convergence-là pour recomposer des systèmes organisationnels, des systèmes de production, etc., etc., qui, comment dire, se construisent autour de cette exigence de résultats environnementaux. Oui, alors évidemment, on ne demande pas à tout le monde de soutenir directement toutes les initiatives. On se rend bien compte qu'il y a des sensibilités et qu'on ne va pas emmener un spécialiste de la finance verte s'occuper directement des zadistes ou inversement demander à un zadiste de participer autour de table d'une entreprise innovante qui investit sur des technologies très bonnes pour l'environnement. La question est plutôt une question de tolérance de la pluralité, de la multiplicité des interventions de changement et de déplacer la recherche du point de convergence depuis ces points de convergence du XXe siècle vers ce point de convergence. En ce sens-là, d'ailleurs, moi je serais prêt à rejoindre Latour, qui serait le terrestre. Mais ça suppose de dépasser ces lignes et non pas de les nier, de nier un des termes des polarités qui trace ces lignes, hein, et de dire définitivement le terrestre est de tel côté ou de tel côté des lignes idéologiques. Pour le dire autrement, le point d'appui de la recomposition est l'exigence de résultats C'est là, environnementaux. exactement, exactement. Et ça nous ramène, et alors ce sera notre sixième et dernier point, à l'ensemble de nos réflexions théoriques. Hein, c'est la pierre d'angle dans l'analyse stratégique de la gestion environnementale, c'est ce que tu viens de dire. C'est que le point d'horizon, c'est le résultat environnemental. Et que tout le reste de l'analyse se reconstruit à partir de ça, et des stratégies se reconstruisent à partir de ça. Le point le plus important sur cet aspect théorique, c'est sans doute le suivant. En fait, le discours de cadrage, quand on passe de l'alarmisme bloquant à autre chose, il dépend énormément de la conception générale qu'on se fait du changement dans la société. Et dans un podcast mis en ligne il y a une semaine, on développe l'idée de compositionnisme stratégique et on l'oppose à l'idée de décrétisme. Donc le décrétisme, c'est l'idée que pour changer la société à grande échelle, il faut qu'il y ait une autorité qui prenne des décisions énergiques, ce qu'on appelle de la volonté politique, d'un concept tout à fait discutable, et qui, à partir de là, pose sur la table un plan qui permette à tous de voir de manière unitaire comment on va avancer vers le résultat. Un peu comme dans une démarche simple de résolution de problème, mais à une échelle géante. Hein, c'est un peu le modèle qui est sous-jacent à l'idée des petits pas ou du grand soir. Or, ce modèle est intrinsèquement bloquant, c'est-à-dire que ce n'est pas possible de construire sur ce modèle fondamental une vision qui permette d'agir dans un monde aussi hétérogène et diversifié que le nôtre aujourd'hui, et qui permette d'agir dans un monde où les pouvoirs publics sont un acteur parmi d'autres, au point où ils le sont aujourd'hui. Et c'est pour ça que, selon nous, une conception compositionniste est infiniment plus adaptée, c'est-à-dire qu'elle consiste à dire il y a une multitude d'initiatives qui visent à faire des choses bonnes pour la planète. Ces choses, elles paraissent en partie contradictoires, elles ne sont pas coordonnées au départ, elles se déroulent à des échelles qui sont extraordinairement différentes, hein, entre le zadiste, l'entreprise qui a levé 100 millions d'euros, et les décisions prises à l'échelle communautaire sur l'isolation des bâtiments, il y a à chaque fois un ordre de grandeur dans les échelles Donc l'hétérogénéité fantastique de ces efforts, elle suppose qu'on lâche prise d'une certaine manière, qu'on renonce à savoir d'avance comment le puzzle va s'assembler à la fin, et qu'on dise, nous, ce sur quoi on s'engage, c'est à chercher du bon résultat environnemental. Et on va s'engager dans les négociations et la recomposition du monde. On est conscient qu'il y a aussi d'autres préoccupations, bien d'autres même que environnementales, de là où on est, dans ce monde. On va agir chacun de là où on est parce qu'on est réaliste sur l'hétérogénéité du monde. Et donc, on va accepter de rentrer dans un processus de recomposition qui va passer par des négociations, etc. Et on... Personne ne peut dire « je veux que le monde dans son ensemble ressemble à l'image que j'en ai posée, moi, sur un plan ». En revanche, chacun peut dire « moi, je veux participer à la négociation parce qu'il y a un aspect auquel je suis particulièrement attaché et dont je voudrais qu'il ressorte dans l'image finale ». On est dans une conception du changement qui dit que le futur va être co-conçu et co-construit et qu'on n'est pas les seuls. Chaque type d'initiative n'est pas la seule pour la planète. Puis il y a aussi beaucoup d'autres choses que les initiatives pour la planète. Donc il faut accepter que c'est une construction collective et qu'elle prendra forme sans qu'aucun de nous puisse dire au départ voilà exactement la forme que ça aura. Mais chacun peut dire voilà ce que je voudrais qu'il y ait dans le bâtiment final et avoir une chance correcte de retrouver ça. Donc ça, là on est vraiment... ça explique aussi l'importance de revenir de manière un peu réflexive sur les idées plus profondes ou conceptuelles qu'on se fait du changement. De même, on avait fait un podcast sur les schèmes actionnables. En fait, ils sont multiples et c'est vrai qu'une partie du blocage intellectuel vient du fait qu'on a souvent tendance à se référer uniquement à un, deux ou trois schèmes d'action du genre, on pose une réglementation autoritaire et on l'impose, ou bien on met des signaux prix et les consommateurs, etc. Et donc on a tendance à se contenter d'un répertoire extrêmement limité, alors qu'en fait ce qu'on a essayé de dire là, c'est que les schèmes actionnables sont nombreux et les initiatives sont nombreuses, et donc c'est important de partir à la recherche de schèmes actionnables multiples. Et on constate d'ailleurs que ce n'est pas nous qui avons cette idée. Hein. Quand on voit le foisonnement d'initiatives en faveur de la planète qui ont lieu en ce moment, c'est très important. Simplement, ce qui compte dans le cadre dont nous discutons ici, c'est qu'il faut que le discours général qui accompagne cette mutation accepte la multiplicité de ces schèmes. C'est dommage. Là, on reboucle sur ce qu'on dit depuis le début. C'est dommage d'avoir un mouvement où les gens essaient d'innover tous azimuts en faveur de... Alors, j'insiste encore, si on dit en faveur du climat, on favorise un dérapage qui est déjà complètement en route et qui défavorise complètement l'écologie de la planète. Donc, si, quand on voit toutes les initiatives qui sont prises pour la planète, si tout ça se résume au bout du compte par « il faut qu'on nous donne un grand plan de changement et de transition et des réglementations », il y a un sérieux problème intellectuel. Il faut effectivement trouver un discours qui accepte la multiplicité des schèmes actionnables pour favoriser une attaque tous azimuts sur ce problème de la planète en faisant confiance à la capacité à recomposer au fur et à mesure un monde où on ait pu renouer avec la planète. Et donc, au bout du compte, ce par quoi on propose de remplacer l'alarmisme bloquant, c'est par un soutien engagé et conditionnel aux initiatives pour la planète. Tout à fait. Et pour le dire ou pour le formuler encore un tout petit peu différemment, c'était en prenant comme point d'appui l'exigence de résultats environnementaux du point de vue de l'ensemble des préoccupations écologiques qui garantiraient une vie habitable dans les limites de la planète, eh bien, on s'engage ou on soutient des personnes qui, avec un enthousiasme critique et vigilant et conditionnel, des opérateurs qui s'engagent pour ça et, ce faisant, contribuent à recomposer des territoires, des collectifs ou, comme dirait Bruno Latour, des cosmogrammes qui recomposent le paysage politique, organisationnel, institutionnel dans lequel on habite collectivement. Mais la petite différence, c'est qu'effectivement, enfin, le petit point complémentaire, c'est qu'effectivement, c'est en prenant ce point d'appui et cette exigence critique sur le résultat environnemental et ce positionnement stratégique de soutien à divers opérateurs dans leur hétérogénéité que cette recomposition devient réaliste et possible ouais. et souhaitable. Voilà, et en mettant moins d'insistance sur la vue d'ensemble, qui viendra après, que sur l'importance que chacun s'engage depuis là où il est. Hein, vous êtes fonctionnaire, vous êtes zadiste, vous êtes étudiant qui se demande ce qu'il va faire, est-ce qu'il va aller en ZAD ou aller dans une entreprise ou essayer de bosser pour une ONG. Chacun est amené à agir depuis là où il est. Et c'est là que l'action se déroule. Elle ne se déroule pas depuis une vue d'ensemble, elle se déroule depuis la capacité de chacun à prendre des initiatives et à soutenir d'autres initiatives. Bon, eh bien, Clément, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette discussion. Et on attend vos réactions.